pas mal de nuages ce matin. Le vent de sud-ouest se renforce, des rafales qui pourront aller jusqu'à 45 km par heure à la côte, donc un vent bien sensible. On va garder un peu plus de nuages cet après-midi au sud du Sillon sans Brémeuse, mais ailleurs, les éclaircies vont être larges, bien généreuses. Une après-midi qui sera globalement agréable. La nuit sera douce et venteuse également. Demain, on aura un peu plus de nuages, peut-être de la pluie même sur le bord de mer, mais ailleurs encore quelques belles éclaircies. Vous êtes sur Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Une pluie d'hommage après l'annonce de la mort de Shimon Peres. L'ancien président israélien et prix Nobel de la paix s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 93 ans. Les dirigeants du monde entier saluent ce matin l'homme de paix. Charles Michel, par exemple, le Premier ministre, parle d'un artisan de la paix, d'une source d'inspiration. Les Israéliens aussi veulent rendre hommage à leur ancien président. It's a huge passing of an era. C'est toute une époque. Il est le dernier de ceux qui étaient là quand l'État a commencé. Pendant toutes ces années, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait pour toutes les bonnes choses qu'il a réalisées. Les gens oublient qu'il a fondé les industries aéronautiques en Israël et qu'il nous représentait incroyablement bien dans le monde. Comme chaque citoyen, je pense qu'il a fait beaucoup pour ce pays. On a perdu un leader intègre. Il savait exactement comment manœuvrer dans le monde. C'était un diplomate, un homme de paix. Réaction recueillie ce matin dans les rues de Jérusalem. On retiendra l'image de Shimon Peres signant les accords d'Oslo avec en arrière-plan Yasser Arafat, le dirigeant palestinien. Accords de paix signés dans les années 90, mais qui resteront lettre morte. Pour cela, Shimon Peres avait reçu le prix Nobel de la paix. Ses funérailles auront lieu vendredi en présence notamment de Barack Obama, le président américain. Chez nous, journée importante ce mercredi au procès de Bernard Westphal. Avec l'audition d'un témoin clé, Oswald de Kock, l'amant de Véronique Piroton. Il a eu de nombreux contacts avec la victime, quelques heures encore avant le drame. La défense de Bernard Westphal estime qu'il a joué un rôle important dans toute cette histoire. Fabrice Gérard, vous suivez le procès de Bernard Westphal pour Vivacité. Fabrice, pourquoi est-ce que l'audition d'Oswald de Kock est si importante aujourd'hui ? Eh bien Sébastien, soyons clairs, l'importance de cette audition, elle dépend en fait du camp dans lequel on se trouve. Pour l'avocat de Bernard Westphal, l'audition de l'amant de Véronique Piroton est cruciale. Selon lui, Oswald de Kock a exercé une telle pression psychologique sur la victime qu'elle aurait fini par basculer. Dans l'ordinateur de ce psychothérapeute de couple, on a retrouvé des photomontages dégradants de Bernard Westphal, des photos de nus de Véronique Piroton, de très nombreuses lettres également, à caractère parfois très cru. Bref, pour la défense, l'amant ne supportait pas que Véronique Piroton appartienne à quelqu'un d'autre, raison pour laquelle il avait entrepris une véritable entreprise de démolition du couple Westphal-Piroton. Ça, c'est pour la thèse de la défense. Par contre, pour les parties civiles, cette audition, eh bien, elle est secondaire, accessoire même, avec cet argument. Oswald de Kock n'était pas présent le soir du drame à l'hôtel Mondo, et même s'il a eu effectivement de multiples contacts téléphoniques avec la victime le jour du drame, il n'était tout de même pas caché dans un placard de la chambre 602. Voilà Sébastien pour les enjeux de cette audition de l'amant de Véronique Piroton. Elle devrait débuter à 14h et on attend beaucoup de monde pour y assister. Audition que vous suivrez bien entendu pour nous aujourd'hui. Merci Fabrice Gérard en direct de la cour d'assises de Mons. 6 terroristes présumés jugés à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Parmi les prévenus, un ancien champion de boxe thaï. Il est suspecté d'avoir entraîné des personnes au maniement des armes dans des bois de Fleurus notamment. Il est aussi suspecté d'avoir recruté des combattants pour les envoyer ensuite en Syrie. Après la découverte du trou budgétaire, trou deux fois plus grand que prévu, les idées fusent pour le combler. Le gouvernement fédéral envisagerait de moins rembourser certains médicaments. Sur la table aussi une hausse de la TVA et du précompte mobilier. De quoi donc trouver les 4 milliards d'euros nécessaires. Vous l'avez sans doute remarqué, les nuits sont plus fraîches, ce qui veut dire que l'automne s'installe. Et il va tout doucement falloir penser à rallumer le chauffage et donc à remplir sa cuve à mazout. Le téléphone chauffe chez les livreurs. Marie Bourguignon en a suivi un à Ewaï, en province de Liège. Voilà madame. Merci. Merci. Merci à vous, bonne journée. Oui. Une chaudière de plus, d'eau remplie. Jacques Lardinois ne les compte plus. Voilà 30 ans qu'il parcourt la région des Ouailles pour livrer du mazout. Et durant toute sa carrière, il a vu les prix monter et descendre. Un peu plus de 700 euros pour 1500 litres de mazout, est-ce que c'est cher ça? Non, hein. Non, on a monté beaucoup plus haut, on a monté à 1400 euros pour 1500 litres. Hein. C'est de bon prix, hein. Oui, oui, oui. Pensez que ça va augmenter cet hiver? Surprise! Et même si le prix est bon, la météo clémente n'incite pas les clients à déjà remplir leur chaudière. Retour au dépôt de la société de livraison où nous rencontrons le patron, Philippe Lerus. On considère entre 80 et 100 livraisons par jour, ça reste correct, mais en hiver, on peut monter à 150 livraisons par jour aussi. Le rush pour vous, ce sera à partir de quand? Beaucoup de clients s'y prennent à la dernière minute, pas tous, heureusement, donc certains sont prévoyants. Dès qu'il y aura les premières gelées, tout simplement, donc les feuilles tombent, le gel arrive, c'est le déclic en général. Pour être sûr d'être livré dans les 24 heures, mieux vaut donc anticiper tant que les commandes sont encore peu nombreuses. Brussels Airlines pourrait être 100% allemande dès ce soir. La Lufthansa devrait racheter complètement la compagnie aérienne belge. Montant évoqué du rachat 2,5 millions d'euros. Pas assez, disent déjà certains petits actionnaires. Actuellement, la Lufthansa possède 45% des parts de Brussels Airlines. En cas de rachat, il reste pas mal de points à régler, comme le nom Brussels Airlines. Sera-t-il maintenu ou pas? On devrait y voir plus clair donc dans les heures qui viennent. Et puis au chapitre football, la suite ce soir du deuxième tour de la phase des poules en Ligue des Champions. Le Bayern Munich se déplace à l'Atlético Madrid. Déplacement aussi pour Barcelone et Manchester City qui se rendent respectivement à Mönchengladbach et au Celtic Glasgow. Pour rappel, hier, le club de Bruges a encore été lourdement battu dans cette Ligue des Champions. Défaite 4-0 face à Copenhague. Enfin, en tennis, David Goffin entame dans quelques minutes le tournoi de Shenzhen en Chine. Le joueur liégeois était exempté du premier tour. Il entre donc au deuxième tour face au Tunisien Jaziri, 55e joueur mondial. RTBF Mobile Info, je vais y arriver. Stéphane Piebeuf fait un accident ce matin sur le ring de Bruxelles. Effectivement, et on vit les choses en direct puisqu'il vient d'être terminé, ça y est, la chaussée est dégagée en circulation intérieure du ring de la capitale à hauteur de Grimbergen où deux voies de circulation étaient neutralisées. On oublie tout, la circulation va se fluidifier en direction de Zaventem. Ceci dit, actuellement, à l'heure où l'on se parle, les automobilistes perdent encore 1h20. Vous êtes peut-être concerné, dans ce cas-là, bon courage, mais vous devriez avancer un petit peu plus vite à présent. Une vingtaine de minutes supplémentaires sur ce ring en circulation extérieure entre Ytre et le carrefour Léonard, et pour rejoindre la capitale, vous perdez 15 minutes sur le 411 qui vient de Namur entre Rosières et Léonard. Une dizaine de minutes supplémentaires sont nécessaires sur le 40 qui vient de Liège entre Berthem et Woluwe et Saint-Etienne. On perd encore 20 minutes sur le 40 qui vient de Gand entre Herpomer et Ternat où la circulation s'effectue en accordéon. Et puis pour rejoindre Bruxelles depuis Anvers, 10 minutes supplémentaires sur le 19 à partir de Zemst. Et puis des ralentissements qui sont engendrés par des travaux sur l'autoroute E411 qui relie Namur au Grand-Duché de Luxembourg. C'est précisément entre Spontin et Sauvé que le passage s'effectue via les voies de circulation rétrécies. Donc la circulation est ralentie sur 3 km en direction du Grand-Duché. Vous perdez là une dizaine de minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Excellente journée sur Vivacité, sur la Une en télé. Vos commentaires et vos avis sur l'actu, c'est le débat de C'est vous qui dites avec Benjamin Maréchal. Profitez-en, c'est en direct. Sébastien retourne à la rédac et voici nos deux heures de dialogue. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 0 septembre 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 0 septembre 233-466, la surprise du jour. 45% des jeunes entre 25 et 30 ans, donc quasi la moitié, sont propriétaires. Comment on fait à cet âge-là pour acheter? Le chiffre lu dans l'avenir vient d'une étude commandée par Etias sur le logement. Et on y apprend sans surprise que les trois quarts des 18-24 ans sont locataires. Mais ensuite, surprise, ils achètent la moitié quasi des 25-30 ans à acheter. Rester chez papa-maman doit avoir une influence, puisque d'après l'étude, quatre jeunes diplômés sur 10 vivent encore chez leurs parents pour épargner en vue d'un achat d'appartement ou maison, acheté directement sans même passer par la case locataire. Voilà comment les jeunes fonctionnent. L'étude estime qu'à cet âge-là, le loyer moyen est de 609 euros. Autant rester chez papa-maman pour mettre de côté et envisager l'avenir. Acheter à tout prix, d'autant plus à Bruxelles, où louer est 23% plus cher qu'en Wallonie. C'est la surprise et donc la question pour vous ce matin, la surprise du jour. 45% des jeunes entre 25 et 30 ans, donc quasi la moitié, sont propriétaires. Comment on fait à cet âge-là pour acheter ? Le nouveau rêve de Bruxelles, en 2025, 25 km de piétonniers et en 2040, un quart de la région que pour les piétons. Est-ce qu'il faut saluer ou huer la capitale ? Le gouvernement bruxellois réfléchit donc en ce moment à ce que sera son territoire demain en matière de logement, de tunnels, d'emploi et peaufine donc en ce moment son projet de plan régional de développement durable. Eh bien la dernière heure croit savoir que Bruxelles a un nouveau rêve piéton. Cette fois ce n'est pas Bruxelles-Ville et Yvan Mayer qui sont concernés, non c'est bien plus large que ça. C'est tout le gouvernement qui veut étudier la faisabilité de minimum 25 km² piétonniers d'ici 2025 et 40 km² piétons en 2040, soit le quart de la région. Le texte précise que, je cite, « ces projets seront menés en concertation avec les communes et ne pourront réduire leur accessibilité multimodale ». Fin de citation. La question pour vous, c'est le nouveau rêve de Bruxelles. En 2025, 25 km de piétonniers et en 2040, un quart de la région que pour les piétons. Il faut saluer ou huer la capitale. Et puis au 070-233-466, au centre commercial Molécule, près de Courtrai, la moitié des travailleurs a plus de 50 ans et la direction dit qu'elle aime les plus de 50 ans. Oui, mais si on ne reçoit pas de prime pour eux, c'est quoi l'intérêt d'engager des plus de 50 ans ? Lundi, le centre Unia a attiré notre attention sur la discrimination au travail, qu'on disait très active à partir de 45 ans. On ne voulait plus des plus de 45 ans dans l'entreprise. Eh bien, le journal Tlatsenis a trouvé ce matin le contre-exemple parfait. C'est le centre commercial Molécule. Là-bas, 57 des 126 travailleurs ont plus de 50 ans et 23 collaborateurs ont plus de 55 ans. Surprise encore, si certains sont là depuis longtemps, eh bien, d'autres de cet âge-là viennent d'être engagés. La direction reconnaît qu'ils sont plus chers au début, mais on rentrerait vite dans ces frais. Les jeunes restent moins longtemps dans l'entreprise parce qu'ils ne savent pas très bien quoi faire et ont le changeant, alors que les seniors n'ont pas le changeant. Ils travaillent là et restent là. Les plus âgés, eux, veulent bien travailler le week-end et les congés scolaires, car ils n'ont pas le problème des petits à garder. Mais il y a cette petite phrase en fin d'article. « Bien sûr, nous recevons des primes pour les seniors, mais ce n'est pas le moteur », dit la direction. Alors c'est la question pour vous ce matin. Au centre commercial Molécule, près de Courtrai, la moitié des travailleurs a plus de 50 ans et la direction dit qu'elle aime les plus de 50 ans. Oui, mais si on ne reçoit pas de primes pour eux, c'est quoi l'intérêt d'engager des plus de 50 ans ? Zoé Boss, standard ouvert. Et au standard avec Marion Jobot, nous attendons vos appels au 070-233-466 et lisons vos SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites, des jeunes proprios, 25 km² de piétonniers à Bruxelles et un centre commercial qui emploie des quinquas. Le débat, c'est vous qui le faites. Pour vous accompagner ce matin, Déborah Laurent, journaliste à 7sur7.be et Charlotte Van Bever, journaliste à la dernière heure. Charlotte et Déborah, bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est donc la surprise du jour. 45% des jeunes, la moitié des 25-30 ans, est déjà propriétaire. Avant de nous dire comment on fait à cet âge-là pour acheter, est-ce que ce chiffre vous surprend, Charlotte ? La moitié des 25-30 ans propriétaire. Oui, ça me surprend. Parce que moi, je ne suis pas propriétaire et j'ai passé j'ai passé le délai, la date de péremption, visiblement. Mais ça me surprend. Ça correspond, Déborah, à votre constat dans votre entourage ? Autant de jeunes déjà propriétaires, ça correspond ? Oui, ça correspond. Ça correspond, mais je suis quand même entourée de gens qui ont eu de l'aide des parents. Donc j'imagine qu'on va en parler. Mais a priori, c'est surtout ça qui compte quand on est jeune. Alors voyons si c'est une bonne nouvelle. Ça vous réjouit, Charlotte, qu'autant de jeunes soient propriétaires, puisque vous, ce n'était pas le cas à l'époque ni maintenant ? Oui, ben, enfin, je suis contente pour eux. Après, il faut voir aussi dans quelles conditions. Effectivement, comme dit Déborah, il y en a certainement beaucoup qui ont l'aide des parents, d'une manière financière ou peut-être aussi d'une manière, voilà, ils ont le temps d'épargner et la capacité d'arriver avec un beau pécule en main et de pouvoir avancer une certaine partie de l'argent, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas des gens qui ne sont pas propriétaires aujourd'hui. Un mot sur le comportement. Cette étude d'Étiès a l'air de nous dire que les jeunes, dans le fond, veulent directement l'accès à la propriété sans passer par la case locataire. Même si beaucoup de 18-24 sont locataires, mais il y a un comportement chez les jeunes, Déborah, Direct Proprio, pourquoi ? Bah parce qu'il faut économiser de l'argent, on n'arrête pas de nous le dire, donc plutôt que de le perdre quelque part dans un loyer, les gens préfèrent tenir un peu plus longtemps chez leurs parents, en tout cas quand les parents ont la possibilité de garder leurs enfants à la maison, parce que c'est ça aussi, il faut de la place. Cette façon de faire, après c'est pas simple quand même, les jeunes je pense qu'ils le font pas forcément par volonté, ils le font vraiment, c'est un choix, en se disant pour mon avenir financier c'est ça que je dois faire, rester chez mes parents, mordre un peu sur ma chic avant de gagner mon indépendance et donc du coup économiser et pouvoir me permettre après d'être propriétaire. Mais donc le moteur chez ces jeunes c'est une crainte, c'est pas une volonté d'investir, de s'installer, d'être bien, le moteur Charlotte c'est une crainte. Mais la crainte est aussi cette volonté d'investir, hein. On le sait clairement, si on a un toit sur la tête comme on dit, voilà, on est quand même sauvé de pas mal de choses. Bon, à noter quand même que même si on a un toit sur la tête, on doit quand même rembourser son prêt tous les mois. Mais reste qu'on est propriétaire et forcément, c'est une crainte en moins pour l'avenir. Ça évite aussi des déménagements en fonction du travail qu'on aura, en fonction des moyens qu'on pourra mettre dans un loyer, etc. Donc forcément, mais c'est motivé effectivement par une crainte. Je vous ai entendu parler de l'apport des parents, mais acheter à cet âge-là, acheter à 25-30 ans, c'est un truc de nanti, Déborah, de classe moyenne très supérieure. Non, parce que moi, j'ai pas eu du tout d'aide des parents et je suis quand même propriétaire, donc c'est possible. Vous n'êtes pas dans la classe moyenne supérieure. Je suis dans une classe moyenne, tout à fait. Moyenne. c'est-à-dire que la première fois que j'ai fait un prêt, c'était il y a 4-5 ans. Et en fait, il y a 4-5 ans, les banques étaient un peu plus souples et on pouvait emprunter les frais de notaire directement à la banque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que même en étant propriétaire, si je veux changer de logement et refaire un prêt, je suis obligée d'avoir un apport personnel, et on me demande encore aujourd'hui à la banque, on me l'a demandé il y a une semaine, à 32 ans, si j'avais de l'aide des parents. Et vous êtes au-dessus de la tranche 25-30, ouais. Donc, ITRE en ligne. Martine, bonjour. Bonjour Benjamin. La surprise du jour, 45% des jeunes entre 25 et 30 ans, donc quasi la moitié propriétaires. Avant de nous dire comment on fait à cet âge-là pour acheter, votre fils, il a acheté un bien à quel âge ? 22 ans. Il a acheté quoi ? Un appart. C'était une volonté de ne pas louer ou il a loué un peu avant ? Oui. Non. C'était une volonté depuis adolescent. Disons qu'on l'a un peu élevé dans le fait que payer pour un propriétaire, c'était à fond perdu. Donc nous, on a acheté une maison assez tard parce que bon, on n'avait pas les moyens avant. Mais donc vous l'avez formaté, vous l'avez poussé à la propriété. Il voulait partir. Il voulait acheter. Et donc, c'est ce que je disais à votre collègue, quand il est né, on lui a mis un carnet d'épargne bloqué jusqu'à sa majorité. Et on mettait là-dessus, bon, à toutes les occasions, voilà. Donc à 22 ans, Martine, quand il achète, il a un capital de combien à disposition ? Il avait un capital, attendez, en 2002, il avait tous les frais de notaire, donc il avait, je crois que c'était 600 000 euros. Enfin bon, il avait les frais de notaire. Attendez Martine, ça a son importance en francs belges ou en euros ? 600 000 euros ? Ben oui, c'est ça. Moi, je compte en francs belges encore. Donc, Martine, combien de francs belges alors ? Pour ne pas rester sur 600 000 euros, combien il avait ? Écoutez, il y a 14 ans, tout ça. Ok, alors je passe une étape. Il sera propriétaire de ce bien en quelle année ? Dans 13 ans. Parce qu'en fait, entre-temps, c'est un appartement dans un petit bloc. Et après 5 ans, ils ont refait la façade. Enfin bon, donc, on a dû refaire un deuxième prêt parce que ça, ils n'avaient pas. Et donc, on a racheté le prêt. Alors, je fais hors détail, Martine, à ce stade. À 35 ans, hors détail, on se comprend, il est propriétaire. On verra si on pourra aller plus loin dans cette conversation tout à l'heure. Un débriefing là-dessus autour de la table. Charlotte, être complètement propriétaire de son bien à 35 ans, ça permet d'envisager la vie très sereinement ? Ah oui, je pense. Ça permet même d'envisager peut-être d'avoir un second bien à l'étranger, pourquoi pas, quand on en aura 50. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais on voit l'exemple de cette dame au téléphone. Son fils partait quand même avec de l'argent en poche. Hein. Voilà, je crois pas que ce soit l'exemple de Déborah qui avait forcément un... C'est ça qui est beau, c'est que les parents aujourd'hui savent, ils veulent mettre leurs enfants à l'abri et donc il y a énormément de gens autour de moi qui ouvrent directement un compte épargne en se disant, voilà, un jour, je pourrais me permettre de lui offrir ne serait-ce que les frais de notaire, qui ne cessent d'augmenter. Ça fait rêver, ça, être propriétaire complètement du logement à 35 ans, Déborah. Écoutez, il m'en reste 22, donc oui, quand même. La fait rêver, ça fait rêver, ça, Charlotte. Ça me fait pas rêver, non. Ok, à vous de vous prononcer. Alors, surprise du jour, 45% des jeunes entre 25 et 30 ans, donc quasi la moitié propriétaire. Comment on fait pour acheter à cet âge-là ? Dans un instant, le deuxième débat sur la table avec le nouveau rêve de Bruxelles. En 2040, un quart de la région que pour les piétons. Ensuite, au centre commercial Molécule près de Courtrai, on aime les plus de 50 ans. Mais ça sert à quoi un plus de 50 ans au boulot? Et puis 10h45, la question qui dérange. Lundi, à Ville 2 à Charleroi, celui qui a fait un étranglement et une balayette au voleur qui prenait de la marchandise. Ce n'était pas un agent de sécurité agréé, non, c'est un vendeur. Mais est-ce qu'il avait le droit légalement de stopper quelqu'un? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Écoutez ça, pour le 25e anniversaire d'Intermarché, il y a des produits 100% remboursés, des offres jusqu'à moins 50% et une super action épargne avec 25 produits gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 25 produits gratuits, c'est exceptionnel. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Une croisière en mer ou un circuit en Amérique? Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à ce dimanche pour profiter de jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Etias, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je viens de faire un accident. Il y a des blessés? Non, c'est juste ma voiture qui roule plus. Bon, écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes? Oui. Mais ça va me coûter combien cette histoire? Parce que moi, ce mois-ci, avec la rentrée, je peux pas. Les fournitures, le cartable. C'est gratuit, madame, dans votre assurance auto. C'est gratuit? Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Bientôt l'automne. Chez Diffusion Menuiserie, les prix se mettent à tomber aussi vite que les feuilles. Des réductions à ne pas rater sur nos parquets, portes, dressings, lambris, escaliers, châssis et bien d'autres. Profitez de conditions spéciales jusqu'au 3 octobre chez un vrai spécialiste du bois pour votre maison. Diffusion Menuiserie à Cour Saint-Étienne et Gosselies. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wetsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table. En fonction de vos appels, une conversation s'impose avec Déborah Laurent, 7 sur 7.be et Charlotte Van Bever, la dernière heure, les sports. Deuxième débat, donc, c'est le nouveau rêve de Bruxelles. Bruxelles, mais l'ensemble de la région bruxelloise réfléchit à son avenir, travaille le plan régional de développement durable et on apprend que, en 2025, le rêve, c'est 25 km² de piétonniers. Si on peut les faire avant, tant mieux. Et en 2040, un quart de la région que pour les piétons. Charlotte, vous saluez ou vous huez Bruxelles? Je ne vais pas saluer Bruxelles en voyant l'état du centre-ville aujourd'hui. On est revenu sur le sujet longtemps dans cette émission et franchement, je ne vois pas en quoi encore agrandir les piétonniers à Bruxelles. Ce serait un exploit qu'il faudrait applaudir. En tout cas, à l'heure actuelle, voyant ce que ça vous donne... Vous comprenez bien la nuance, on ne parle plus du seul Bruxelles, ville, territoire, du monde ailleurs. C'est encore tout, pire, hein. On élargit encore plus. Alors je veux bien, hein. Moi je suis pour qu'on fasse de Bruxelles un mini Amsterdam, les canaux en moins, ce serait magnifique. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore cette mentalité-là et que les gens ont envie d'utiliser leur voiture. Ils n'ont pas envie de prendre les transports en commun. Enfin, c'est tout un débat, c'est un large débat. Alors je crois que vous huez. Je vais chez Déborah. Vous saluez ou vous huez? Eh bien, je m'étonne moi-même, mais je salue. Vous saluez? Ouais, j'ai changé d'avis. Un quart de la région. Ouais, j'ai changé d'avis sur ces quelques dernières années, en vieillissant probablement. J'adore ma voiture, c'était synonyme de liberté, quand j'ai eu mon permis. Ça m'a permis de sortir de ma petite campagne, donc je l'adore vraiment, j'adore conduire. Mais à un moment, à Bruxelles, c'est plus possible, donc je préférerais que tout le monde soit à la même enseigne, c'est-à-dire piétonnier, qu'on marche, qu'on prenne les transports en commun et qu'ils développent vraiment... Mais une offre de 30%. Est-ce qu'on peut extrapoler les problèmes liés aux piétonniers de Bruxelles-Ville à l'ensemble de la région ? Il y en avait qu'à Bruxelles-Ville, pour circuler, c'était devenu un casse-tête mal indiqué. On a vu que les commerçants ont souffert et crié très très fort. Est-ce qu'on va vivre les mêmes problèmes fois 1000 ? Honnêtement, j'ai toujours trouvé que le centre de Bruxelles, avec ou sans voiture, c'était un peu craignos, entre guillemets. Les magasins n'ont jamais été développés comme il fallait sur cette grande artère. C'est dommage, ça a été mal fait. Par contre, si on me met demain l'avenue Louise piétonnière, bah avec plaisir, quoi. Elle est déjà belle, elle est déjà tout à fait agréable. Enlever les voitures ne la rendrait que plus agréable encore. Imaginons que l'idée soit bonne, Dixit, Déborah, Charlotte. Mmh. Est-ce que cet agenda vous convient ? Donc 2025, c'est demain, déjà 25 km², et on parle d'axes comme Louise, Bois de la Cambre, Chaussée de Louvain, Place Flaget, Sablon, Rue de Brabant, Rebeil-Andorlecq, Place de Luxembourg, donc c'est vraiment partout. Mmh. 2025, c'est trop tôt ou ça va ? Non, c'est pas trop tôt, parce qu'étant donné le temps, le laps de temps qu'ils mettent pour simplement réparer un pont, nettoyer un pont, en construire un autre, avec des délais toujours 5 ans, 10 ans de retard, à mon avis, on va postposer ces projets-là pour 2045, 2060, donc on a le temps de voir venir, à mon avis. Je ne travaillerai plus, je serai plus à Bruxelles. Ah, donc votre salut, c'est que ça ne se concrétise pas. Oui, enfin, aujourd'hui, il suffit de voir, ici, on est à Reyers, il suffit de voir où en est l'état de Reyers aujourd'hui. Ça fait des mois que c'est en travaux, que la circulation est complètement stoppée dans cette zone-là. Vous allez plus loin à Montgomery, le tunnel Montgomery est encore fermé. C'est un tunnel, ce qui est très marrant, c'est que dans le plan, le futur plan, c'est le tunnel Montgomery, le but est quand même de le supprimer. J'aimerais bien savoir pourquoi aujourd'hui on est en train de rénover ce tunnel, si c'est pour le supprimer dans 10 ans. Enfin, si on réfléchit de manière simplement financière, il y a quand même un énorme problème dans ces projets-là. Déborah, ce rêve piétonnier de Bruxelles, il est peut-être bon pour les Bruxellois, mais est-ce qu'il se fout des Wallons et donc des nafteurs qui doivent entrer dans la capitale ? Parce que là, ça les impactera aussi. Est-ce que ce rêve bruxellois est anti-nafteur et anti-Wallon ? Non, justement, ils viennent en train. Donc, au moment où ils arrivent en train, ils n'ont pas de voiture, donc ils prennent les transports en commun. Donc non, je ne pense pas du tout que ça se moque d'eux. Au contraire, moi, je pense que ça pourrait rendre la ville plus agréable. Et puis, je rappelle quand même qu'au niveau pollution, il faut quand même faire quelque chose à un moment. On demande un avis à Etterbeek, au cœur de la capitale, donc. Christophe, bonjour. Bonjour. Le nouveau rêve de Bruxelles. En 2025, 25 km² de piétonniers. En 2040, un quart de la région. Vous saluez ou vous huez la capitale ? Je hue la capitale. Pourquoi ? Parce que je pense que l'agenda n'est pas bon. C'est une réponse pour le futur à un problème actuel. Ce que je veux dire, c'est qu'on envisage des réponses à un problème qui est celui de la mort estimée de plus ou moins 600 Bruxellois par an à cause de la pollution. Mais on ne regarde pas ce qui va se passer en 2025 ou en 2040. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, le parc de voitures automobiles ne sera pas du tout le même que le parc que l'on a maintenant. On sait que les voitures sont renouvelées à hauteur de 500 000 immatriculations neuves par an et que le parc automobile belge est à peu près de 5 millions de voitures. Ça veut dire que dans 20 ans, il aurait été renouvelé deux fois. Christophe, mais il y a deux axes. Il y a la pollution de l'air et puis il y a une certaine conception de la mobilité et des villes. Et dans les villes de demain, monsieur, on ne se déplace plus en voiture. Ça, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Non, ça c'est un rêve. C'est un rêve d'écolo, c'est un rêve qui ne s'est jamais vu. Toutes les statistiques du monde montrent que le parc automobile de toutes les villes du monde augmente tout le temps, récurrent depuis des dizaines d'années. Et pourquoi il rêve de ça alors à Bruxelles ? Ce n'est pas un gouvernement écolo, hein ? Pourquoi il rêve de ça ? Pour donner son nom à un piétonnier, pour donner son nom à un plan, pour donner son nom à quelque chose. C'est une volonté politique, mais c'est certainement pas fait intelligemment et pas au regard de ce qui va se passer. On est au bord de l'erreur historique pour la région bruxelloise ? Non, d'autres villes vont le faire, bien que des villes actuellement, si on regarde Milan par exemple, qui a un centre historique qui n'est accessible qu'aux voitures hybrides ou électriques, je pense que c'est ça la solution à long terme, et elle est déjà appliquée maintenant, donc tout le monde ne fait pas les mêmes erreurs. Ah, on verra si la conversation s'impose, si des experts automobiles pollution d'air confirment votre vision des choses. De toute façon, demain on aura des véhicules moins polluants. On termine autour de la table pour que les choses soient claires dans les esprits des uns et des autres. Est-ce qu'il faut maintenant, Charlotte, porter ce projet, donc la réflexion, où il ne faut même pas ouvrir de réflexion ? Non, toute réflexion est bonne à prendre. Il n'y a aucune raison, effectivement, qu'il n'y ait pas de réflexion à ce sujet. C'est vrai, Bruxelles est une ville extrêmement polluée, extrêmement embouteillée, et c'est horrible de s'y déplacer, mais je ne pense pas que la solution soit celle avancée pour l'instant avec ce plan de développement durable. Vu l'état actuel, on porte la réflexion ou on la stoppe, Déborah ? Non, moi je la porte et je rappelle quand même, donc, au-delà du fait que c'est pollué, Bruxelles est sale à cause des voitures, des pots d'échappement. Ce serait pas mal, du coup, qu'il y en ait moins. Et je rappelle aussi que les jeunes d'aujourd'hui, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, ils ne passent plus le permis. c'est pas pour rien. Donc peut-être que les jeunes de demain, ils n'auront pas de voiture et ils en seront très contents. Alors précisez votre âge au standard. C'est le nouveau rêve de Bruxelles en 2025. 25 km² de piétonniers. En 2040, un quart de la région que pour les piétons. Il faut saluer ou huer la capitale, bruxellois ou wallon, vous le direz en connaissant la capitale de ce pays. Dans un instant, un exemple. Au centre commercial Molécule près de Courtrai, la moitié des travailleurs a plus de 50 ans. C'est quoi l'intérêt d'un plus de 50 ans? Et puis 10h45, la question qui dérange. Lundi, à Ville-2 à Charleroi, celui qui a fait un étranglement au voleur qui volait de la marchandise n'était pas agent de sécurité agréé, n'était pas policier. Non, c'était un vendeur. Est-ce qu'un vendeur a légalement le droit de stopper un voleur en faisant des étranglements? Point d'interrogation. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Un appartement, deux chambres, entièrement équipé à partir de 185 000 euros, hors TVA et frais, à City Docks. City quoi? City Docks, D-O-X, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, visitez le pavillon de vente sur le site. Du studio aux trois chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. citydocks.be. Electro Dépôt. Ça y est, c'est ouvert à Anderlecht, proche Shopping Cora, Métro et Dimerx. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur fif.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Aujourd'hui, on va travailler les genoux, on relâche les jambes, on va dans la cuisine et on plie les genoux, prend le sac poubelle et on le ferme, on se remet droit et on se baisse, on le dépose et on recommence. Allez! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emul Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicaments ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Monsieur le directeur. Oui, Jean-Pierre. Oui, je sais pas comment vous le dire, mais j'ai gagné un euro million. Quoi? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions. Ah bon? Oui. Bravo. Et vous allez faire quoi maintenant? Hein? Vous allez arrêter de travailler avec tous ces millions? Ah non, monsieur le directeur. Comment ça? Ah non, j'aime mon travail. Non. J'ai toujours été là, je serai là. Non, ne faites pas ça. Ah si, à demain, monsieur le directeur. Ah si. Ce vendredi, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Jouez dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Euro million, devenez scandaleusement riche. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table avec Déborah, 7sur7.be, avec Charlotte, la dernière heure, les sports. Au centre commercial Molécule, près de Courtrai, la moitié des travailleurs a plus de 50 ans et la direction dit dans le Lads News de ce matin qu'elle aime les plus de 50 ans. Pourquoi cet exemple est important? Parce que début de semaine, tout le monde s'accordait sur ce chiffre de 45 ans, à partir de 45, discrimination. Et bien voilà là une boîte qui engage encore des plus de 50 ans, qui a même des plus de 55 ans, mais je voudrais votre avis sur cette petite phrase à la fin de l'article, Déborah. Bien sûr, nous recevons des primes pour ces gens-là, mais ce n'est pas le moteur. Vous croyez à cette phrase ? Il y a un petit peu quand même les primes qui jouent, mais je pense aussi que la réflexion est pas du tout mauvaise. À 50 ans, on n'est plus vieux aujourd'hui, on n'est pas périmé, on a de l'expérience justement à apporter. On a effectivement moins la bougeotte que les jeunes. Je sais que ça, c'est une des raisons aussi qui joue. Ah, ils ont le changeant, ils sont instables, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur parcours. Apparemment, ils changent de boîte plus facilement. En tout cas, ils se projettent dans l'avenir, ils se demandent à chaque fois, à 30 ans, on a souvent un âge charnière où on se dit, voilà, ça fait autant d'années que je travaille, est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans ce job-là toute ma vie? Du coup, on peut changer, du coup, on fait des tentatives, du coup, on fait plusieurs boulots en très peu de temps. Donc, je peux comprendre, 50 ans, c'est bien. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de choquant ou pas dans la démarche engagée des plus de 50 ans, Charlotte? Parce que dans le fond, on comprend bien que ce qui intéresse le patron, c'est qu'ils ne prennent pas congé le week-end et qu'ils ne prennent pas les congés scolaires parce qu'ils n'ont pas des petits. C'est un peu choquant. Moi, je dis peu importe ses motivations. Moi, j'applaudis l'initiative. Franchement, on se retrouve avec des gens sans emploi aujourd'hui suite à la fermeture de Caterpillar. Ce sont des gens de cet âge-là. Je pense qu'ils seraient très heureux aujourd'hui de se dire ah ben, tiens, Molécule, même si c'est un peu loin de la maison, Molécule m'offre un emploi. Je dis il faut quand même saluer l'initiative du patron de ce centre commercial. Pas lui jeter la pierre. Ben oui, forcément, c'est un fait. Normalement, on dit bien normalement parce que tous les cas. Oui, mais on voit que les patrons n'y viennent pas. Ici, il y a des primes, donc la réflexion est facile. Eh oui, mais s'il n'y a pas de primes, pourquoi les autres patrons ne veulent pas des plus de 5 ans? Il faut aussi un petit peu motiver, parce que forcément, on se dit, oui, il a 50 ans. On est parfois avec cette idée fausse, ces a priori. Oui, mais 50 ans, il va travailler moins vite, il va peut-être être moins motivé, il sent qu'il est en fin de carrière. Ce qui, visiblement, est faux, puisque effectivement, il y a des avantages, et non seulement le fait que ces gens-là soient disponibles. Et quand ils sont au travail, ils sont 100% au travail. Le téléphone ne risque pas de sonner parce que le petit est malade à l'école, parce qu'il faut aller faire telle activité sportive, ils sont à 100%. Alors, ils vont peut-être faire du 9-16, mais ils le feront complètement, leur 9-16, concentré sur leur travail. Alors, voilà un problème, Déborah. Il y a un consensus. Tout le monde dit c'est bien, les plus de 50 au travail, les patrons le disent aussi, mais on voit bien que s'il n'y a pas la prime, on ne les engage pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce décalage? Le discours officiel dit « je les aime », mais dans les faits, à part Molécule, et qu'il y a des primes, personne ne les engage. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour arranger ça, mais c'est vrai qu'il faut être honnête. Quelqu'un de 50 ans va coûter plus cher que quelqu'un de 25. Donc évidemment, ça joue. Donc il faut aider les patrons à pouvoir engager des personnes plus âgées. On demande un avis à Montigny Le Tilleul. Maria, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez quel âge ? 49 ans. Au centre commercial Molécule, près de Courtrai, la moitié des travailleurs a plus de 50 ans. Et la direction dit qu'elle aime les plus de 50 ans. Voici la question. Si on ne reçoit pas de prime, c'est quoi l'intérêt d'engager un plus de 50 ans, c'est-à-dire vous dans un an ? L'expérience. L'expérience est là, parce qu'on m'a virée car j'étais vieille et trop chère à 42 ans dans un bureau comptable. Je postule. Je ne correspond jamais au profil, même pour mettre des fruits dans un rayon. Ici, c'est bien. Ils ont non seulement l'expérience, les gens qui s'engagent, et la prime. Et je trouve que c'est très bien. Et maintenant, je vais aller postuler. Maria, alors est-ce que c'est vrai? Si on vous engage dans une boîte, est-ce que c'est vrai que vous n'aurez pas le changeant? Et que si vous vous engagez à votre âge, vous êtes dans une logique de « j'irai jusqu'au bout ». C'est vrai ou c'est pas vrai? Après, une fois qu'on a le pied dedans, après, oui, ça pourrait être vrai, bien sûr. Ok. Mais quand les enfants sont grands, oui, pourquoi pas. On nous dit chez Molécule, qui aime les plus de 50 ans, que les gens de votre âge, ils veulent bien travailler le week-end, y compris le dimanche. Ça vous va? Mais bien sûr, bien sûr. Certains magasins sont ouverts le dimanche avec des petites jeunes qui ne foutent rien. Bien sûr qu'on irait travailler le dimanche. Donnez-nous seulement du travail à notre âge. Et les congés scolaires? Vous allez demander les congés scolaires ou vous n'en voulez pas? On travaille toujours, même en congé scolaire. Il n'y a que les professeurs qui ont congé scolaire. Nous, on est là pour travailler. Vous cherchez l'expérience, engagez-nous. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'ici, Molécule reçoit des primes, comme par hasard. Ben oui. Mais si les seniors, c'est si bien que ça, pourquoi on ne les engage pas? Moi, j'apprends des réductions NSF et des réductions patronales. Maria, si les seniors, c'est si bien que ça, pourquoi les autres patrons, ils ne vous engagent pas? Parce qu'ils préfèrent prendre des jeunes, c'est moins cher, et tous les 6 mois, ils changent, car eux aussi, ils ont des primes. C'est bagarre de primes, alors. Vous êtes à Montigny-le-Tilleul ce matin, et prête à travailler dans cet univers-là. 070-233-466, si vous souhaitez aller plus loin dans la conversation. Dans le fond, alors, changement de perspective, ce senior, Charlotte, est assez malléable. Vacances scolaires, dimanche, horaire décalé, on peut tout lui faire faire au senior, il va dire oui. J'imagine qu'il dira oui à cet âge-là, parce qu'il n'a pas dit oui à tout quand il avait justement 25, 30 ans, peut-être 40 ans. C'est l'âge où voilà, ils savent qu'ils n'ont plus non plus 20, 30 ans de travail à tirer, que finalement ils sont bien, ils sont installés, ils connaissent bien, ils connaissent leurs collègues, ils n'ont pas trop de soucis logiquement, donc ils sont à ce moment-là, ils peuvent se permettre d'être un peu plus malléables et de se donner, comme je disais tout à l'heure, à 100% dans leur travail. Je fais la question autrement, donc un senior, on peut lui demander de tout faire parce qu'il n'a pas le choix, il ne dira pas non. C'est mais ça que non, ça veut dire. Non, moi j'allais quand même dire aussi, les jeunes aussi sont malléables. Si les conditions sont correctes, que le jeune il a de l'ambition de carrière et qu'il se dit que travailler le dimanche ou travailler parfois en soirée peut lui permettre d'avancer dans la vie. Je pense qu'il y a autant de jeunes que de seniors qui sont prêts à le faire, avec ou sans enfants. Voilà, c'est pas forcément lié à ça. Moi, je dis qu'il faut quand même engager des seniors. En tout cas, quand j'entends Maria, ça donne envie. Elle l'a dit, mais ils le font pas. Déborah Laurent, Charlotte Van Bever, bonne journée, mesdames. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. D'abord la surprise du jour, 45% des jeunes entre 25 et 30 ans, donc quasi la moitié, sont propriétaires. Comment on fait à cet âge-là pour acheter? Puis le nouveau rêve de Bruxelles. En 2025, 25 km² de piétonniers et en 2040, un quart de la région que pour les piétons. Il faut saluer ou huer la capitale. Et puis au centre commercial Molécule près de Courtrai, la moitié des travailleurs a plus de 50 ans et la direction dit qu'elle aime les plus de 50 ans. Mais si on ne reçoit pas de prime pour eux, c'est quoi l'intérêt d'engager un plus de 50? 070-233-466, SMS au 3063. Conversation maintenant à Courcelles. Laura, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et donc la surprise, la moitié des jeunes entre 25 et 30 ans est propriétaire. Quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. Et dans deux ans, vous serez propriétaire? Oui, je suis actuellement en train de faire les démarches pour avoir ma maison. Donc là, j'attends que mon prêt soit accepté. Ah, donc vous y êtes déjà allé avant 25. Vous achetez quoi? Un bien de quel montant? Une maison à 100 000 euros. Pourquoi une maison et pas un appartement? Bah, les appartements sont plus rares, j'aurais bien aimé, mais aussi il y a la tranquillité d'une maison quand même et le fait de voir sur les années, je ne sais pas combien de temps je vais rester dedans. Et c'est vrai qu'il y a un jardin, une maison, alors qu'un appartement, c'est plus confiné, voilà. Puisque vous êtes dans ces jeunes déjà propriétaires, d'où vient l'argent? Permettez-moi cette indiscrétion. Comment on fait pour acheter à 23 ans? Ben, l'argent vient de moi-même parce que malheureusement, je ne suis pas dans une famille qui ont de grands moyens. Donc j'ai dû me faire toute seule, que ce soit pour ma voiture et ici pour la maison, j'ai économisé. Bien sûr, ben, y a eu des privations, il n'y a pas le choix. Mais vous avez économisé sur base de quoi? Un salaire? Vous travaillez depuis quand? Depuis quoi? Je travaille depuis maintenant 2 ans et demi. Donc, et depuis toujours, j'ai toujours eu cet objectif-là. Donc directement, j'ai essayé de faire attention. Je ne suis pas partie en vacances. Je ne suis jamais partie en vacances, alors que la plupart des jeunes en profitent. Quand vous entrez dans la banque, que l'homme de la banque voit que vous êtes toute jeune, vous venez avec un apport de combien? Vous avez en cash combien, Laura? J'ai 17 000 euros. C'est les frais de notaire? Les frais de notaire, voilà, c'est ça. Un petit peu moins que les frais de notaire, parce que pour ma maison, ce sera environ 13 000 euros de frais de notaire. Vous serez propriétaire pleinement de cette maison à quel âge? 23 ans aujourd'hui, à quel âge? Normalement, le temps que les papiers se font, j'aurai toujours 23 ans. Ce sera normalement vers janvier-février. Oui, mais là, vous ne serez pas encore totalement propriétaire. Il faudra payer. Mais une fois que le bien sera payé, vous prenez un prêt sur... Dans 25 ans. Oui. Et vous ne venez pas d'une famille de nantis? Non, mes parents sont tout simples. J'ai même pas eu de petits comptes sur le côté pour dire de m'aider. Malheureusement, eux aussi ont eu des dettes, etc. Donc j'ai dû me faire toute seule, je le savais depuis le début. Ils étaient là pour me soutenir moralement, ils ne me demandent rien pour rester chez eux. Donc j'ai à part mes chèques repas que je leur laisse, ils ne me demandent rien. Donc voilà, c'est quand même leur aide à eux. Le résultat de votre travail, je signale donc à 48 ans, le bien sera à vous entièrement. La parole potentielle à ceux qui aujourd'hui ont 48 ans sont toujours locataires, à ceux qui ont plus de 48 ans qui sont toujours locataires. À 48 ans, Laura Courcelles aura sa propre maison. RTBF Mobile Info, maintenant Stéphane. Pas de grande catastrophe sur les routes, Benjamin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le trafic se fluidifie, on perd quand même du temps sur le ring de Bruxelles, par exemple, en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Il faut ajouter une vingtaine de minutes, 10 minutes supplémentaires en circulation extérieure entre Ittre et le Carrefour Léonard. Alors pour rejoindre Bruxelles, ça se passe bien, à l'exception de l'E40 qui vient de Gand. Entre Ternat et Grand Bigard, on ajoute encore 20 minutes sur les autres axes. Les temps de retard sont inférieurs à 10 minutes à présent. Et puis des travaux qui vous ralentissent, tout d'abord sur le 411 Namur-Luxembourg entre Spontin et Sauvé. Le passage s'effectue via des voies de circulation qui sont rétrécies et donc la circulation est ralentie sur 4 km. Ajoutez 15 minutes à votre temps de parcours en direction du Grand-Duché de Luxembourg. Et puis en province de Liège, c'est le chantier de Cherat qui vous fait perdre 10 minutes sur l'E40 Aix-la-Chapelle Bruxelles. Vous ralentissez à partir de Bleugny. 10 minutes supplémentaires donc pour rejoindre l'échangeur de Loncin. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous allons à Bastogne. Geneviève, qui a tenu plusieurs établissements, viendra nous dire quel est l'intérêt d'engager un plus de 50 ans quand on n'a pas de prime de l'État. Vivacité et la 2 présente le Belfius Brussels Marathon et Semi-Marathon. Lancez-vous dans un marathon, un semi-marathon ou un parcours de 5 km à travers notre capitale. Le Marathon et Semi-Marathon de Bruxelles, le dimanche 2 octobre. Départ au cinquantenaire, arrivé devant la bourse. Infos et inscriptions, brusselsmarathon.be. Viva Bruxelles présente Nuit Blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Abracadabra, c'est moi, Hip. Découvrez maintenant plus de 100 offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour et réalisez des économies hallucinantes. Comme le roast beef blanc bleu belge à seulement, bam, 10 euros le kilo. Attention, cette offre géniale est uniquement valable jusqu'à demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, le nouveau rêve de Bruxelles en 2025, 25 km² de piétonniers et en 2040, un quart de la région que pour les piétons. Il faut saluer ou huer la capitale à ce propos. Et à ce propos, j'ai Robert Deterbé qui n'apprécie pas cette décision de la région bruxelloise. À 83 ans, il a une mobilité réduite et pour lui, réduire le nombre de bus, amoindrir la circulation véhiculée au centre de Bruxelles, c'est le condamner à ne plus sortir, c'est le condamner à rester chez lui. Si la région bruxelloise implante ses 25 km² de piétonniers au centre-ville, Robert demande à ce qu'on lui fournisse alors éventuellement une chaise roulante gratuite. C'est vous qui le dites à Bastogne. Geneviève, bonjour. Bonjour. Vous qui avez été patronne de plusieurs établissements au centre commercial Molécule près de Courtrai, la moitié des travailleurs a plus de 50 ans. On aime les plus de 50 ans, mais... si on n'a pas de prime pour les engager, c'est quoi l'intérêt d'un plus de 50 au travail? Mais monsieur, j'ai engagé un cuisinier de plus de 50 ans et à côté de lui, il y avait deux jeunes. Il y a 20 ans de ça maintenant, ces deux jeunes n'ont pas encore oublié toutes les choses que ce cuisinier de pas plus de 50 ans leur ont appris. Donc l'expérience. Alors, les patrons devraient comprendre que l'expérience, vous ne savez pas l'avoir. Transmission. Donc, vous, si ce magasin a employé des plus âgés et des plus jeunes, c'est la meilleure solution. Et à cette période-là, nous n'avions pas de prime. Et j'ai voulu voir l'expérience, et je vous assure que c'était une expérience formidable. Mais alors soyons de bon compte, si c'est il y a 20 ans, est-ce qu'un plus de 50 coûtait cher? Parce qu'aujourd'hui, un plus de 50, nous oui, dit-on, coûte cher. Il coûtait plus cher que les jeunes de 20 ans qui étaient là. Déjà, ils étaient déjà plus chers, les plus de 50. Oui. Peu, mais je vous assure que ce qui coûtait en plus me rapportait énormément pour la qualité de son travail. Je vous amène au monde du travail aujourd'hui. Vous me dites, senior, qualité de transmission, qualité de l'expérience. Sauf voilà, qu'on voit bien que quand il n'y a pas de prime, on n'embauche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois que les gens réfléchissent à court terme au lieu de réfléchir à long terme. Parce que franchement, je me suis fait une clientèle grâce à ce monsieur de plus de 50 ans. Donnez-moi un avis sur le centre commercial Molécule près de Courtrai, qui dit dans le Laatste Nieuws, journal flamand, ô combien il aime les plus de 50, mais il dit quand même à la fin de l'article, bien sûr nous recevons des primes. C'est pour ça qu'on prend les plus de 50, vous croyez là-bas, ou on les aime vraiment? Je ne sais pas vous dire là-bas si on les aime vraiment, mais ce que je peux vous assurer, c'est que moi, l'expérience que j'ai faite, c'est qu'il m'a apporté beaucoup, il a apporté beaucoup à mes jeunes qui travaillent avec lui, et je vous dis, ça fait plus de 20 ans, ces jeunes pratiquent encore ce que ce cuisinier leur a appris. Ah, on pourra parler du mélange de génération en entreprise tout à l'heure, si la conversation s'impose, hein, puisque notamment à Molécule, comme chez vous, il y a un mélange. 57% des 126 travailleurs ont plus de 50 ans, 23 collaborateurs ont plus de 55, et tout le reste, évidemment, ce sont des jeunes. Enfin, des jeunes par rapport à cet âge-là, évidemment, en dessous de 50, autrement dit. Drogen Boss en ligne, Christelle, bonjour. Bonjour, bonjour Benjamin. Le nouveau rêve de Bruxelles. En 2025, 25 km² de piétonniers. En 2040, un quart de la région. Vous saluez ou vous huez ? Je salue, mais je dirais que le plan n'est pas très bien conçu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, normalement, pour concevoir une ville mobile, il faut avoir des grands axes mobiles, des endroits où les gens se parquent, ou laissent leur voiture et ils vont à pied. Et ce qui serait bien à mettre en piétonnier n'est pas les grands axes pour boucher la circulation entrante ou circulante entre les quartiers, mais il faudrait préserver l'intérieur des quartiers, en fait. Parce que le problème à Bruxelles, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui sont à l'intérieur des quartiers. Et ça pose spécialement problème dans les quartiers populaires du centre. Christelle, je vous donne quelques exemples qui vont devenir piétons demain, et vous me dites si là c'est bonne ou mauvaise idée. J'essaie d'expliquer à chaque fois le quartier pour ceux qui connaissent mal la capitale. Un exemple, la rue de Brabant, qui est une rue commerçante, le long de la gare du Nord, parallèle à la rue d'Arscote, se trouvent les prostituées. Rue de Brabant en piéton, bonne ou mauvaise idée ? Ce qui se passe, c'est que la rue de Brabant, c'est un peu complexe à dire. C'est-à-dire que pour passer du Nord jusque de l'autre côté, on circule par la rue de Brabant. Normalement, ce serait une bonne idée, mais ce qui serait... D'abord, pour moi, de rue de Brabant, je dirais oui, mais il faut prévoir l'axe de passage pour les voitures. J'en fais une autre, alors. Christelle. La droite de rue de Brabant, par exemple. Christelle, j'en fais une autre. Place du Luxembourg, qui est donc cette place en face de la gare du Luxembourg, au pied des institutions européennes, où se trouvent beaucoup d'établissements en réca. Mais on peut encore circuler sur la place. Piéton, pas piéton, bonne ou mauvaise idée ? Sincèrement, j'ai plus été récemment dessus, mais je crois que c'est aussi un axe pour passer un peu après vers la gauche, pour aller vers la... Enfin, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que, en tout cas, il devrait préserver là où ça circule sur les grands axes et les places qui mènent, prévoir et pas faire comme ils ont fait au centre-ville, où ils ont mis le boulevard en piétonnier et ils ont dévié les voitures vers les petites rues. C'est le contraire qu'il faut. Alors, je retiens que les grands axes doivent être peut-être préservés, Christelle. Vous êtes à Drogen Boss. Si la conversation s'impose, je pourrais vous soumettre d'autres quartiers. La rue Wayer à Anderlecht ou encore la chaussée de Louvain. Les Liégeois connaissent bien cet axe. En arrivant de Liège via la E40, on arrive à Bruxelles aux alentours de la chaussée de Louvain. Bref, dans un instant, nous allons à Ougrée et Arnaud viendra nous dire comment on fait à 25-30 ans pour être propriétaire, puisque la moitié des jeunes de ce pays sont déjà proprio. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Oui, monsieur, SFR vous fait une offre mobile à 25 euros par mois à vie. Mais non. Appelez-vous dans le futur et vérifiez. Allô ? Michel, c'est moi. Enfin, c'est toi, mais du passé. C'est quoi ces histoires ? Je paye pas mon forfait 25 euros par mois pour qu'on me fasse des blagues débiles. Ok, je le prends. L'offre mobile de SFR, c'est du bonheur pour toute la vie. Appel et SMS illimité plus 6 gigas de data pour seulement 20 euros par mois pendant 6 mois, puis 25 euros par mois à vie. Plus d'infos sur sfr.be. Offre soumise à conditions. SFR et tout s'accélère. Viviane, conseillère à la Maison de l'énergie. Il existe un prêt. Il s'agit du prêt vert bruxellois. Vous pouvez emprunter jusqu'à 25 000 euros par an. Il couvre les travaux énergétiques comme l'isolation du mur, du toit, du sol, le remplacement d'une chaudière à gaz ou l'installation d'une ventilation. Contactez la Maison de l'énergie au 02 563 40 00 ou sur maisonenergieeus.be avec le soutien de Bruxelles Environnement. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Tu bouges pas! Vous avez le droit de garder le silence! Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal! Vous avez le droit à un avocat! Ne confondez plus vos séries policières et vos programmes musicaux. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus claire. Ciné-Télé-Revue. Dès demain, dans vos points de vente habituels. Ce dimanche 2 octobre au Westland Shopping, vivez une journée d'aventure en famille grâce à nos super animations pour petits et grands. Château gonflable, air jump, clown, magicien et un délicieux goûter sucré feront de cette journée une vraie réussite. De plus, vos deux premières heures de parking vous seront offertes ce dimanche 2 octobre. Westland Shopping, une expérience shopping à vivre en famille. Ce dimanche 2 octobre de 11 à 19h. Infos et conditions sur westlandshopping.be. Ring West, sortie 14, accès facile. Ceci est un message pour les professionnels du secteur Horeca. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management? Visitez les 2, 3 et 4 octobre à I Love Horeca, le salon professionnel Horeca à Tour et Taxi. I Love Horeca, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love Horeca, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tour et Taxi. Plus d'infos à iloveoreca.be. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, au centre commercial Molécule près de Courtrai, la moitié des travailleurs a plus de 50 ans. Si on ne reçoit pas de prime pour eux, c'est quoi l'intérêt d'engager un plus de 50 à ce propos? Et à ce propos, j'ai eu Nadine de Warsage. Elle a 56 ans et elle travaille dans un magasin de prêt-à-porter. Son employeur a préféré sa candidature à celle d'une jeune femme de 22 ans. Pourquoi? Parce qu'elle était plus aimable. Son patron lui a aussi fait comprendre qu'il en avait marre d'attendre après les congés maternité. Hormis la certitude d'une présence à l'année, Nadine nous le dit, les quinquas ont de vraies qualités. La ponctualité, l'expérience avec leur année de travail derrière eux, ils savent gérer leur stress. C'est vous qui le dites à Ougré. Arnaud, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez 33 ans. Nous voici face à la surprise du jour. 45% des jeunes entre 25 et 30, donc quasi la moitié, déjà propriétaires. Vous êtes déjà propriétaire à 33? C'est bien ça. J'ai actuellement 3 maisons, oui. Attendez, 3 maisons à 33 ans? Oui, c'est bien ça, oui. Alors, date du premier achat. Premier achat à quel âge? Voilà, un petit peu avant mes 19 ans, donc j'ai acheté ma première maison avec deux appartements. Ah, donc vous me dites bien maison, et dedans il y a deux appartements. C'est bien ça, oui. Ok, donc je note maison avec deux appartements à 19 ans. Deuxième achat à quel âge? Un peu avant mes 27 ans. Vous achetez quoi, là? Donc là, c'est une maison. Dans laquelle vous habitez? Non, dans laquelle qui était directement relouée. Car le temps que les actes de notaire et que j'ai la maison, je me suis remis avec mon ex-compagne. Donc du coup, c'est une maison qui a directement été louée. Donc votre maison à 27 ans, c'est une deux façades, une trois façades, une quatre façades? Une deux façades. Une deux façades que vous achetez à combien? Un peu moins de 80 000 euros. 80 000 euros. Et ensuite, une troisième fois propriétaire, à quel âge? C'est ça, oui. Donc ici, à mes 32 ans. Et vous avez acheté quoi, 32? Et c'est une maison deux façades également, trois chambres, une belle petite maison que je viens de finir de rénover. Arnaud, primo, félicitations. Deuxio, vous êtes l'incarnation du sondage Etias déjà proprio. Tertio, vous êtes un anti, vous êtes un riche d'Ougré. Non, pas du tout, parce que évidemment il faut remplir cet âge de propriétaire, ce qui veut dire que quand les locataires appellent, quand il y a un toit qui fouille, quand il y a des problèmes d'isolation, de châssis et autres. Mais comment on fait à cet âge-là pour avoir l'argent, même s'il y a des soucis de propriétaire après, mais pour avoir l'argent pour acheter trois biens, comment on fait à votre âge? Premier achat, 19 ans, d'où venait l'argent? Alors, j'ai commencé à travailler à 16 ans, travailler façon parler, travailler donc dans des jobs étudiants. Tous ces jobs étudiants-là, durant les deux premières années, j'ai mis quasiment l'entièreté de côté, si ce n'est que de m'acheter une petite mobilette pour pouvoir mieux me déplacer dans mes différents jobs. Et puis à côté de ça, je suis rentré à l'armée à mes 18 ans, ce qui fait que un peu avant mes 19 ans, j'avais l'argent nécessaire que pour payer les premiers frais de notaire. Donc à ce stade, on verra si la conversation s'impose. Retenons que simplement avec des jobs étudiants, on peut devenir trois fois propriétaire dès l'âge de 19 ans. Arnaud. Marie Hambourg maintenant en ligne. Annie, bonjour. Bonjour. Votre avis de Wallonne est importante face aux nouveaux rêves de Bruxelles. En 2025, 25 km² de piétonniers. 2040, un quart de la région. Vous saluez la capitale ou vous huez la capitale? Huer, c'est un grand mot. Mais je ne suis pas pour, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que est-ce qu'on a pensé à la population vieillissante? C'est-à-dire? ben, des gens qui vont avoir du mal à se déplacer. Ben, tous les commerçants de ces quartiers-là piétonniers, ben, ils pourront fermer leurs portes, hein, parce que toutes ces personnes vieillissantes qui ont plus de moyens pour acheter, elles n'iront plus, elles ne sauront plus aller dans ces magasins. Donc le piétonnier, c'est par définition anti-personnes âgées. Ah oui, ah oui. Mais on nous dit que ça donne une forme de qualité de vie, et puis qu'aujourd'hui tout le monde est du vélo ou de la marche à pied. Donc le senior pourra quand même se déplacer, puis les ambulances, ça passe toujours, le cas échéant. Vous irez faire vos courses en ambulance? Alors quel est l'intérêt de ce rêve bruxellois avec autant de mètres carrés piétons? Quel est l'intérêt? Disons que pour les résidents, c'est une bonne chose. Pas pour les commerçants et pas pour les personnes vieillissantes. Annie, Marie-Hambourg, ni pour les commerçants, ni pour les personnes âgées. Quelle conversation s'impose? Rendez-vous après les infos. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière juste à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus? Info brusselsbywater.be. Vivacité présente la semaine numérique. Hashtag cool, apprenez à décoder les hashtag nouvelles technologies et bien plus lors de hashtag la semaine numérique du 10 au 21 octobre. Hashtag c'est bientôt. Youpi! Participez à des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Hashtag c'est pour tout le monde, hashtag pas que pour les geeks. Hashtag lol. Plus d'infos, lasemainenumérique.be. Viva 10h. Le Flash avec Lionel de Neubourg, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. De nombreuses personnalités assisteront aux funérailles de Shimon Peres, l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix, décédé cette nuit à l'âge de 93 ans. Le président américain Barack Obama ainsi que le pape François devraient être présents, tout comme le président français François Hollande et le prince Charles d'Angleterre. Les funérailles auront lieu en principe vendredi. Audition très attendue aujourd'hui au procès de Bernard Westphal, audition d'Oswald de Kock, l'amant de Véronique Piroton. Pour la défense, il a joué un rôle important, un rôle clé dans cette affaire. Il sera entendu cet après-midi aux assises du Hainaut. C'est un mastodonte de la bière qui est en train de naître aujourd'hui. La fusion entre le géant AB InBev d'un côté et de l'autre son concurrent anglais SAB Miller. Cette fusion qui devrait être avalisée aujourd'hui par les actionnaires des deux brasseurs. Et si la fusion est acceptée, on sait déjà que le nouveau groupe gardera de toute façon le nom d'AB InBev. En football, on vous rappelle la défaite sèche hier soir du club de Bruges en Ligue des Champions. Défaite 0-4 contre Copenhague. Bruges est bon dernier de son groupe avec 0 points. En tennis, David Goffin joue en ce moment son premier match au tournoi de Shenzhen en Chine. Match du deuxième tour qui doit commencer dans quelques minutes maintenant face au Tunisien Jaziri, 55e joueur mondial. La météo, un ciel chargé ce matin mais qui va se dégager assez vite avec pas mal d'éclaircies qui reviennent par le littoral. Les températures seront douces avec de 18 à 20 degrés sur les hauteurs et jusqu'à 23 degrés ailleurs. Le point RTBF Mobile Info, comment ça se passe Stéphane Piedbeuf? Mais ça se passe bien sur le ring de la capitale. On perd uniquement une dizaine de minutes en circulation intérieure entre Grimbergen et Zaventem. 5 minutes pour la circulation extérieure. Donc on parle de circulation dense entre Strombeek et Wemmel en direction de Grand Bigard. Alors pour rejoindre Bruxelles, 10 minutes supplémentaires sont nécessaires sur l'E40 qui vient de Gand entre Ternat et Grand Bigard. Ailleurs, la circulation n'est que légèrement dense à l'image du carrefour Léonard ou sur le 411 qui vient de Namur. Vous perdez quelques minutes, à peine 4, entre Overijse et ce fameux carrefour Léonard. Soyez toutefois prudent. Si vous quittez Bruxelles via le 19 pour rejoindre Anvers à hauteur de Malines Nord, plusieurs objets encombrants se trouvent sur la chaussée en direction d'Anvers. Il s'agit d'objets métalliques, donc vraiment soyez prudent à l'approche de Malines. Et puis d'autres objets encombrants en province de Liège sur le 25 Neuchâtel-Liège à hauteur de Beaufailly. La bande de gauche est encombrée en direction de la Cité Ardente. Et puis des travaux qui vous ralentissent sur le 411 Namur-Luxembourg entre Spontin et Sauvé. Le passage s'effectue via des voies de circulation qui sont rétrécies et on perd quand même un quart d'heure en direction du Grand-Duché de Luxembourg. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Stéphanie, on continue, c'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Merci Lionel, dans ce cas, bon retour à la rédac. L'info revient dans une heure. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, le rendez-vous avec la question qui dérange. Lundi, dans un commerce du centre commercial Ville 2 à Charleroi, celui qui a fait un étranglement et une balayette au voleur qui est en train de prendre de la marchandise n'était pas un agent de sécurité agréé, n'était pas un policier, c'était un vendeur. Est-ce qu'un vendeur a légalement le droit de stopper un voleur avec des méthodes comme celle-là? C'est la question qui dérange de ce matin, liée à ce qui s'est passé donc à Ville 2 lundi vers 17h. Un vendeur repère un étrange manège entre deux individus, les individus ou l'individu qui a pris la marchandise va voler pour plus de 400 euros, sauf que quand il s'en va, le vendeur, c'est ce que raconte la Nouvelle Gazette ce matin, met une main sur son épaule, là l'individu se retourne et lui donne un coup dans les côtes, mais le vendeur ne se démonte pas, il procède par étranglement et puis balayette, voilà le voleur immobilisé jusqu'à l'arrivée des gardes. Est-ce qu'il avait le droit légal de faire ça ou il s'est mis, outre le danger, il s'est mis en illégalité? Dans ce dossier, Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, bien, je vais tenter d'entrer en contact avec ce magasin où les faits se sont déroulés. Il est tout juste 10h, les portes viennent de rouvrir. Je passerai aussi un coup de fil auprès des polices locales pour voir quelles sont les règles en la matière. La légalité d'un vendeur qui procède comme ceci: étranglement, balayette, immobilisation. Vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le à Zoé au standard. Et le problème pour Frédéric de Charleroi, c'est que le vendeur n'a aucun droit, selon lui. Frédéric est un ex-agent de sécurité en protection rapprochée et en patrouille d'intervention. Il nous l'assure, si le vendeur s'était blessé, les assureurs ne l'auraient pas remboursé parce qu'il outrepasse les fonctions définies dans son contrat de travail. Lundi, dans un centre commercial à Charleroi, Ville 2 en l'occurrence, celui qui a fait un étranglement et une balayette au voleur n'était pas un agent de sécurité agréé, n'était pas un policier, c'était un vendeur. Est-ce que légalement on peut stopper les voleurs à coups de balayette et d'étranglement? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. D'abord la surprise du jour: 45% des jeunes entre 25 et 30 ans, donc quasi la moitié, sont déjà propriétaires. Comment on fait à cet âge-là pour acheter? Ensuite, le nouveau rêve de Bruxelles. En 2025, 25 km² de piétonniers et en 2040, un quart de la région que pour les piétons. Il faut saluer ou huer la capitale. Et puis au centre commercial Molécule, près de Courtrai, la moitié des travailleurs a plus de 50 ans. La direction dit qu'elle aime les plus de 50 ans. Oui, mais si on ne reçoit pas de prime pour eux, c'est quoi l'intérêt d'engager un plus de 50? Trois débats, Zoé, au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur ce chiffre. 45% des jeunes entre 25 et 30 ans, donc quasi la moitié, sont propriétaires. Comment fait-on à cet âge-là pour acheter? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui dites. Ah, c'est la surprise du jour. Le chiffre est lu dans L'Avenir, qui publie une étude commandée par Etias, une étude sur le logement. On y apprend sans surprise que les trois quarts des 18-24 ans sont locataires, mais ensuite ils achètent, la moitié quasi des 25-30 ans a déjà acheté. Alors comment? Rester chez papa-maman a sans doute une influence. D'après l'étude, 4 jeunes diplômés sur 10 vivent encore chez leurs parents pour épargner en vue de l'achat d'un appartement ou d'une maison, et le rêve ultime est d'acheter sans même passer par la case locataire. Notez que ça a du sens, l'étude estime qu'à cet âge-là, le loyer moyen est de 609 euros. Épargner 609 euros par mois, ça permet de devenir vite propriétaire, d'autant que louer coûte cher, encore plus à Bruxelles, où louer est 23% plus cher qu'en Wallonie. Ces jeunes de 25-30 ans déjà proprio. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. L'argent vient de moi-même parce que malheureusement, je ne suis pas dans une famille qui ont de grands moyens. Donc j'ai dû me faire toute seule, que ce soit pour ma voiture et ici pour la maison. J'ai économisé. Bien sûr, il y a eu des privations, il n'y a pas le choix. Mais vous avez économisé sur base de quoi? Un salaire? Vous travaillez depuis quand? Depuis quoi? Je travaille depuis maintenant 2 ans et demi. Donc, et depuis toujours, j'ai toujours eu cet objectif-là. Donc directement, j'ai essayé de faire attention. Je ne suis pas partie en vacances. Je ne suis jamais partie en vacances, alors que la plupart des jeunes en profitent. Vous serez propriétaire pleinement de cette maison à quel âge? Vous prenez un prêt sur... Dans 25 ans. Donc à 48 ans. C'est Laura Courcelle qui racontait ça tout à l'heure. Elle vient d'acheter à 100 000 euros. À 48 ans, elle est totalement proprio du bien. Vous avez choisi cette conversation, allons-y. C'est la surprise du jour. 45% des jeunes entre 25 et 30 ans, donc quasi la moitié déjà propriétaire. Comment on fait à cet âge-là pour acheter? Et si vous avez ou si vos enfants ont entre 25 et 30 ans, Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore propriétaire? 070-233-466, SMS au 3063. Et dans un instant à Perouet, Mélanie, 25 ans, nous verrons si elle est proprio. C'est vous qui le dites. Journée mondiale des animaux. 20% sur les aliments de qualité pour chiens et chats. Conditions en magasin. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Monsieur le directeur. Jean-Pierre, si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé. Ils vont vous l'envoyer par coursier. Ce vendredi, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Euro-million, devenez scandaleusement riche. Moi, sur mon pot Nutella, j'écrirais « Je t'adore ». Des canons ou quelle biche. Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrai un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Et c'est l'ingénieure Sarah qui va construire le plus long pont du monde pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve, aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong. J'ai presque fini. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rossin-Genèse. Point.be. Électro, dépôt. Ça y est, c'est ouvert. À Anderlecht, proche Shopping Cora, métro et Dimerx. Château des Termes. Le Château des Termes vient d'enfiler sa tenue de gala. Un nouveau cadre exclusif, unique en Belgique. Soyez privilégiés et réservez un séjour au Château des Termes de Chauxfontaine. Info sur châteaudestermes.be. Galerie Toison d'Or, j'adore. Allô Agnès? Oh, c'est top top top. Les magasins de la Galerie Toison d'Or ouvrent tous les premiers dimanches du mois. Donc, dimanche 2 octobre, ils seront ouverts de 12h à 18h. Trop bien pour découvrir les nouvelles collections. À dimanche alors. Galerie Toison d'Or, j'adore. J'adore. L'univers du sommeil vous présente ses Mega Deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wetsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070-233-466. La tranche d'âge concerne donc les 25-30 ans. À cet âge-là, est-ce que vous étiez déjà propriétaire? Est-ce que vous étiez sur le point d'acheter? Est-ce qu'à cet âge-là, vous aviez les moyens de devenir propriétaire? C'est la surprise du jour. Dans ce pays, d'après l'étude Etias, 45% des jeunes, donc c'est la moitié, entre 25 et 30 ans, est déjà propriétaire. Comment on fait à cet âge-là pour acheter? C'est vous ou c'est pas vous? 070-233-466 et par SMS au 3063. Perouet, Mélanie est en ligne, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous êtes pile dans la tranche d'âge. Oui. Avez-vous acheté quelque chose? Oui, une maison. À combien? 148 000. À quel âge vous achetez? Il y a 2 ans. 148 000, vous vous êtes venu avec des fonds propres ou vous étiez les poches vides? Non, les poches vides. C'est quoi les poches vides? C'est avoir 30 000 euros de côté? C'est quoi les poches vides? On n'en avait rien du tout. On, c'est qui? Moi et mon compagnon. Pourquoi vous vouliez absolument acheter à 23 ans? Parce qu'aujourd'hui 25, mais il y a 2 ans, ça fait 23. Pourquoi à 23 ans, vous avez cette envie, si pas obsession, d'acheter? Parce que dans notre éducation, on a été élevé comme payer un loyer pour soi et pas pour les autres. C'est une petite mélodie que vos parents vous répètent depuis quoi? Depuis l'enfance, depuis l'adolescence, depuis quelques années seulement? Bah, on se l'est dit une fois ensemble, parce que lui, il a été élevé comme ça, et bon, c'est rentré dans ma tête et c'était logique, quoi. Donc, c'est logique de payer pour soi et pour ses enfants par après, et pas pour quelqu'un d'autre qui va en profiter, et donc voilà, quoi. Tiens, parenthèse, est-ce que le banquier ou l'entourage vous fait des petits regards, des petits sourires en vous disant « Oh, 23 !» Propriétaire à 23, oh, est-ce que vous avez eu des petits commentaires? Oui, ils nous ont dit que c'était rare. Vous avez pris ça comme une fierté? Bah quand même, en travaillant tous les deux, c'est rare d'avoir deux jeunes devant soi avec un CDI, tous les deux en poche, et de pouvoir acheter sa maison, enfin voilà quoi. Est-ce que vous avez l'impression à ce moment-là de prendre un risque? Non. C'est une évidence. Alors à 148 000 à 23 ans, vous achetez quel genre de bien? Faites-moi le tour du propriétaire. On a une maison petite fermette avec 28 hectares de terrain, plus 2 prairies de cisards. c'est la maison de vos rêves dans laquelle vous resterez toute la vie ou c'est pas comme ça que vous la concevez ? Si, on veut rester. Ah, c'est le projet d'une vie. Vous êtes dans le projet d'une vie. Oui, ben on a deux enfants déjà, donc... Cette maison, vous voulez l'upgrader, la faire évoluer ou à 148 000 euros, elle est dans un état qui peut vous porter dans 30, 40, 50 ans ? Non, non, elle était dans un état... comment on va dire ? Quand on la voyait, c'était, elle était bien, mais quand on a commencé à faire des travaux, ici, on est en plein travaux, et on a dû tout refaire de A à Z. Vous me permettez une indiscrétion, parce que certains ont acheté à votre âge, plus jeunes encore, et sont, ou seront 100% propriétaires. Vous, à la fin du crédit, vous serez propriétaire de la maison à combien de pourcents ? Moitié-moitié, 50-50, 60-40, 70-30 ? Je ne saurais pas vous dire, je pense que c'est 50-50, on sera propriétaires tous les deux de la maison. Et vous serez pleinement propriétaire quand ? Quand j'aurai 43 ans. 43 ans. Pour acheter une maison à 23 ans, est-ce qu'on doit être riche, Mélanie ? Non. Non. Faire attention et voilà. C'est un non et vous êtes venu sans argent, les poches vides. Arnaud Aougré, juste avant les infos, a 3 biens achetés à 19 ans, à 27 ans et à 32 ans. Déjà 3 fois propriétaire. Une fois dans votre cas, et c'est la maison d'une vie. Rappelons-nous dans 10 ans pour voir si c'est toujours le cas. Nous sommes à la Louvière maintenant. Josué, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. À quel âge vous avez acheté, vous ? À 24 ans. 24 ans, vous êtes qui à ce moment-là ? D'où vient l'argent, pour le dire autrement ? J'ai fini mes études et j'ai commencé directement à travailler le mois d'après. Donc j'ai eu un CDI, j'ai eu la chance d'avoir un CDI directement. Et à ce moment-là, j'ai travaillé pendant 3 ans. Directement, j'ai mis de l'argent en place, comme j'expliquais à votre collaboratrice. Mais vous épargnez alors pendant combien de temps ? Puisque vous achetez à 24 ans, votre CDI, vous l'avez signé à quel âge ? À 22 ans. 21, presque 22. Quoi. Et à partir des 22 ans et du CDI, tous les salaires sont mis de côté ? Bon, je dirais pas tous les salaires sont mis de côté. Enfin, oui, une partie de mon salaire est mise de côté d'office. Mais comme je disais, faut savoir placer ses priorités. J'avais beaucoup d'amis à moi qui achetaient des grosses voitures à 25 000 euros, 30 000 euros, qui faisaient des prêts, etc. Moi, j'ai pas eu à faire ça. Je me suis contenté de petites voitures, etc. Alors un jour, vous arrivez à la banque et vous dites, monsieur le banquier, je veux acheter. Vous avez combien dans la petite mallette ? Combien d'argent vous avez pu mettre de côté ? J'ai mis 25 000 euros de côté. 25 000 euros et vous achetez quoi ? Appartement, maison, quelle taille ? Une maison trois façades avec 30 arts de terrain. Enfin, j'ai acheté la maison 110 000 euros, mais je dois tout refaire. Donc j'ai fait un prêt travaux. Donc 110 000 pour la maison et un prêt travaux de 40 000 euros. Attendez, en arrivant avec 25 000 euros à la banque de côté, vous êtes le roi du monde, vous êtes le roi de l'agence. Il vous le dit, ça, que c'est un bon profil ou il chipote ? Ouais, il chipote beaucoup. Hein. Je peux vous dire qu'il chipote beaucoup parce que, en plus, je voulais mettre ma compagne dans le prêt. Mais le problème, c'est qu'elle était indépendante et ça faisait un an qu'elle était indépendante. Donc ses revenus ne pouvaient pas rentrer en compte. Donc il n'y a que mon salaire qui rentre en compte à ce moment-là. Et les banques chicanent beaucoup, etc. J'ai eu la chance d'avoir une banque qui a accepté mon prêt, etc. Vos parents, ils ont donné ? Parce que le fond de la question et du questionnement ce matin, c'est... Comment il faut être né dans une famille un peu nantie où des parents ont mis des sous de côté ? Vos parents ont donné combien ? Mes parents n'ont rien donné du tout. Ils m'ont conseillé, ils m'ont beaucoup apporté. Bien sûr, quand j'ai grandi, etc., c'est pas le problème. Mais on a une mentalité qu'il faut savoir quand même se débrouiller, quoi. Et moi, je remercie mes parents pour ça parce que je pense que si mes parents m'avaient aidé, j'aurais peut-être fait le foufou à claquer l'argent à gauche, à droite, partir en vacances. Et je pense que ça... C'est une preuve de maturité, un peu, de savoir mettre de l'argent de côté pour savoir mettre les priorités, quoi. Donc, alors, voyons l'avenir, parce que ce matin, on peut raisonnablement penser qu'à la radio, à la télévision, des gens de 40, 50, 60 ans nous écoutent. Mélanie Aperouet, juste avant vous, sera propriétaire à l'âge de 43 ans. Ce sera pleinement à elle. Et vous, en ayant acheté à 24 ans, vous serez pleinement propriétaire quand ? À 49 ans. À 49 ans, vous y pensez parfois ? Ah ouais, j'y pense. Hein. Et je me dis même que si par la suite on gagne un peu plus d'argent ou quoi, on peut même reculer la date, quoi. Enfin, avancer la date, du sens avant 49 ans, ce serait encore l'idéal. Celui qui n'achète pas entre 25 et 30 ans, parce que s'il y a une moitié qui est déjà propriétaire, il y a une autre moitié qui ne l'est pas, évidemment. Celui qui n'achète pas entre 25 et 30 ans, il a moins de chances dans la vie ? C'est une question... C'est une question de mentalité, surtout. Il y a des gens, ça ne leur dérange pas de louer toute leur vie. Maintenant, moi, je me dis que louer, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Plus vite on est propriétaire, plus vite la maison est payée. Je veux dire, c'est une belle étape dans la vie. Moi, je suis vraiment content. On est en train de faire les travaux. Et c'est le futur qui se construit, quoi. Alors, j'ai noté vos chiffres, j'ai noté votre profil. 24 ans, 49 ans, pleinement propriétaire. Ce n'est plus « je paye encore des traites à la banque ». C'est complètement à moi. Vous êtes à la Louvière, Josué. Allons maintenant à Libramont. Louise, bonjour. Oui, bonjour. On parle donc de la tranche 25-30 ans. Vous y serez dans combien de temps? Ben nous, en fait, on s'est renseigné. Donc moi, j'ai 23 ans et on se renseigne pour acheter une maison pour l'instant. Et malheureusement, on n'a pas assez de fonds propres. Donc pour l'instant, on est bloqué dans nos projets. On ne peut pas, il faut encore économiser. Mais alors le pari, est-ce que d'ici deux ans, puisque ce sont les 25-30 qui sont vachement proprios, d'ici deux ans, vous aurez l'argent ou pas? On espère, oui, on économise pour, et normalement, d'ici deux ans, on pourrait louer, on pourrait acheter. Vous avez déjà quand même regardé dans la région qui vous intéresse le prix des biens, ou pour le dire autrement, vous faut combien pour acheter la maison ou l'appartement de vos rêves? Je dis à Libramont, c'est que l'immobilière est très cher parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y installent et qui travaillent au Luxembourg, donc les prix gonflent. Et si on veut une maison à rénover de base, on est à 150 000 euros. Et si on veut une maison nickel, il faut compter 200 000 euros. 200 000. Vous restez dans cette région-là ou vous pensez peut-être partir pour acheter ailleurs? Non, on pense quand même rester dans cette région-là. Bon alors comment, d'où viendra l'argent? On se rappellera dans deux ans, mais quand vous acheterez dans deux ans peut-être, d'où viendra l'argent? Papa, maman? Non, papa, maman, on économise, on se prive, on ne partira plus en vacances. On essaie de faire des économies où on peut chaque mois. Vous et votre compagnon? Oui, voilà. Pour l'instant, dans la cagnotte, s'il fallait aller à la banque maintenant, votre épargne logement, elle s'élève à combien? Pour l'instant, on a 7000 euros de fonds propres. Et 7000 euros à la banque, ça sert à quelque chose ou pas? Non, ils nous ont dit que pour bien faire, il faudrait qu'on ait 18000 euros de côté. Ça, c'est un objectif qui est stimulant ou qui est un peu décourageant? C'est décourageant parce que on ne pourrait pas se permettre d'emprunter parce que c'est des taux élevé pour emprunter de cette somme-là. Donc on est obligé d'épargner nous, et c'est assez décourageant parce qu'on trouve qu'on économise déjà pas mal. Et on va devoir se priver beaucoup plus pour pouvoir atteindre l'objectif des 18 000 euros. Ça vous fait quoi d'entendre les autres? Mélanie, elle a acheté à 25 ans. Josué, il a acheté à 24 ans. Arnaud, il avait acheté à 19 ans. Ça vous fait quoi d'entendre que certains ont su le faire plus facilement peut-être que vous? Ben moi, ça me semble un peu fou parce que je trouve qu'on économise déjà beaucoup. Et c'est vrai que je suis un peu dans la compréhension de savoir comment ils ont fait. Si ils sont restés longtemps chez papa et maman, ben c'est plus facile. Nous, directement, dès qu'on a été diplômés, on s'est mis en appartement. Donc on a eu tout de suite les loyers à payer. Et c'est vrai qu'on n'a pas énormément économisé. Mais vous croyez à ça, ceux qui ont dit, je l'ai entendu, moi, j'ai pu faire mon épargne qu'avec mes jobs étudiants. C'est comme ça que j'ai acheté. Vous croyez à ça ou vous ne croyez pas à ça? Moi, ça me semble un peu fou. Moi, j'ai aussi économisé quand j'étais en job d'étudiant, mais je ne gagnais pas des sommes incroyables et je n'aurais jamais pu atteindre un capital élevé en peu de temps. On verra si d'autres 25-30 ans, même si vous êtes à 23, 2 ans de la tranche, on verra si d'autres ont connu cet écart énorme entre ce qu'on a et ce qu'il faudrait. 7 000 euros de fonds propres pour l'instant et la banque vous dit qu'il en faut 18 000. Sinon, on ne parle pas. Dans un instant, à Abbé-Laneuve, comment a fait Simon? Cet homme est propriétaire depuis l'âge de 22 ans. La foire du verre de l'âne. Artisans, antiquaires, collectionneurs, découvrez le monde de l'art du verre, du bijou et du cristal, ainsi qu'une initiation au métier du verre. Plus de 70 exposants, des dizaines de milliers de pièces. Dénichez celles qui vous manquent. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre au centre sportif de l'âne. Info foireduverre.eu. Avec vivacité. Il y a des dimanches d'automne qui sont longs. Et pour ça, il y a un remède. Les week-ends portes ouvertes Espace Mode. Espace Mode. Ce dimanche 2 octobre, c'est Sunday Shop Day. Dans toutes les marques, pour toute la famille, Espace Mode présente toutes les nouvelles collections automne. Et les nouveautés ne cessent d'arriver. Espace Mode est ouvert ce dimanche 2 octobre de 10h à 17h. Espace Mode à Perouet et à Genneval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On relâche bien, on prend le changement de vitesse et... On passe la première, puis la deuxième et la troisième. Bien souple le poignet et un et deux et la troisième. Bien! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emule Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Vivacité et la Une présente le premier festival international de films de comédie de Liège. Du 23 au 26 novembre, rencontrez les professionnels du cinéma et faites-le plein de rires et d'émotions au Cinéma Palace et sur la place Saint-Paul. Info fifcl.be. Avec la ville et la province de Liège et la région wallonne. Et au 070-233-466, le mot clé, Zoé, pour tous les jeunes propriétaires qui ont appelé, c'est le mot sacrifice apparemment. Le mot sacrifice, Maxime Dandenne me l'a dit, il est propriétaire d'une maison de 123 mètres carrés à 27 ans, il a acheté avec sa petite amie, il rembourse à 2000 euros par mois. Oui, les frais de notaire étaient élevés, il nous le dit, mais ils ont fait des sacrifices pour y arriver, c'est-à-dire par exemple pas de vacances à l'étranger, et ce depuis très longtemps. Il y a eu Mathilde de Flémal, elle a acheté, c'était un rêve pour elle, elle l'a fait, elle est l'heureuse propriétaire d'un duplex. Ça a demandé des efforts. Elle a perdu certaines amies parce qu'elle refusait les sorties. Elle refusait de sortir et ce pendant 4 ans pour économiser. Certains n'ont pas compris pourquoi elle ne voulait plus aller au restaurant avec eux et ils ont pensé que c'était un conflit d'intérêts. Il y a eu Laetitia de Lodelinsart à 28 ans. Elle est propriétaire d'un terrain et pour payer ce terrain et pour construire sa maison, elle a fait un choix. Elle a fait un prêt bien sûr, mais elle a fait un choix, c'est-à-dire de ne pas s'acheter de belles voitures. Elle a pris le bus pour aller travailler tous les jours. Et c'est comme ça qu'elle a pu payer ses frais de notaire. C'est vous qui le dites à Abel-Hanneuve. Simon, bonjour. Bonjour. Vous en êtes la moitié des 25-30 ans de ce pays propriétaire. Vous en êtes à 23 ans. Qu'avez-vous acheté comme bien ? Une maison. Une maison comment ? Une petite fermette, une ancienne. Un peu style ? Un peu bâtiment de valeur ? Oui et non. Une vieille maison, là, qui a, je ne saurais pas dire quel âge. Mais vous avez acheté seul ou vous avez acheté en couple ? Parce qu'il y a une différence de budget et de profil. Non, seul. Seul ? Seul, oui. Alors reprenons l'ensemble de la procédure. Simon, vous repérez cette fermette, vous entrez dans la banque, à quel âge exactement ? À 22 ans. Mais à ce moment-là, vous avez un travail, vous avez un emploi, vous avez quoi ? Oui, oui, je travaille. Je travaille depuis mes 18 ans et j'ai fait l'apprentissage depuis mes 15 ans. Donc, j'ai économisé et mis pas mal de côté pour m'acheter une maison. C'est l'argent de l'apprentissage depuis 15 ans ? Bah, pas que de l'apprentissage, aussi de mon boulot depuis mes 18 ans que je mets de côté pour m'offrir une maison. Oui, mais à quel âge ça vous est venu ? Est-ce qu'à 15 ans, déjà en apprentissage, vous vous dites, moi, je n'ai qu'un seul objectif, c'est celui-là ? Ou ça vous est venu plus tard ? Je vais pas dire à 15 ans, mais dans ces années-là, oui. Parce que je ne voulais pas louer. Louer, c'est toujours donner de l'argent à d'autres personnes. Et ici, bah, ma foi, c'est à moi le bien. Comment vous avez géré ça à la banque ? Vous y allez en solo à 22 ans ou il y a quelqu'un qui apparaît plus adulte, qui vous accompagne pour gérer les opérations bancaires ? Ou vous êtes en solo face à face avec le banquier ? Ah non, j'ai été tout seul face à face avec le banquier. Il a l'air enthousiaste en voyant votre âge ou il a l'air un peu méfiant ? Non, ils sont toujours un peu méfiants quand on est jeune comme ça. Ils ont toujours peur que le boulot ne soit pas comment assuré et tout ça, malgré qu'on a un CDI. Ils sont toujours un peu méfiants, je veux dire. Vous avez pris un prêt sur combien de temps, vous ? Sur 25 ans. Sur 25 ans ? Pourquoi vous n'avez pas pris 20 ans ? Parce que je ne pouvais pas le faire en 25 ans tout seul. Taux fixe ou taux variable ? Taux fixe. À ce moment-là, vous vous y connaissiez un peu en taux fixe, en variable, ou tout ça était un peu étranger pour vous ? Ben là, je m'étais un peu renseigné auprès de ma famille quand même pour avoir plus ample de renseignements, parce que c'est un peu compliqué quand on a cet âge-là de se dire ben, c'est quoi exactement un taux fixe ou un taux variable ? Comment vous voyez, parce que vous serez pleinement propriétaire de ce bien, de cette maison, de cette fermette à 47 ans, pleinement propriétaire. Vous voyez faire votre vie là, vous voyez trouver un compagnon ou une compagne qui prendra une part de la propriété, vous voyez comment dans l'avenir ? Non, pleinement propriétaire. C'est la maison de votre vie ? Vous pensez finir vos jours là ? Je pense, on verra. Elle est dans quel état ? Il y a un peu de travaux ou elle est en état parfait ? Oui, il y avait pas mal de travaux à faire. Simon, permettez-moi la question parce que je vois que ça en intrigue certains en 3063. Simon, est-ce que vous êtes un riche d'Abel-Hanneuve ? Oh non, non, non. Juste un gars qui, comme apprenti, démarre à 15 ans avec l'idée de devenir propriétaire. vous serez pleinement proprio à 47 ans. Verviers nous appelle. Élodie, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Quel est votre âge ce matin ? 27. Vous en êtes, puisque vous êtes dans la tranche 25-30, vous en êtes ? Exactement, oui. Depuis combien de temps ? Depuis 6 ans. C'est une fierté ou pas d'être propriétaire à votre âge ? C'est une fierté, mais pas sans sacrifice, comme ça a déjà été dit. Donc vous entrez dans la banque à l'âge de 21 ans pour l'achat, si je fais le calcul ? Oui, c'est ça. D'où vient l'argent à 21 ans ? Eh bien, mon compagnon travaillait déjà à temps plein parce qu'il a terminé ses études. Moi, j'étais toujours aux études, mais je travaillais à mi-temps. Donc pour les étudiants, ils peuvent effectivement travailler leurs 50 jours ou ils peuvent avoir des contrats à conditions particulières. C'est des contrats d'étudiants soumis à l'ENSS, qu'on appelle ça. Donc on paye les mêmes taxes que des travailleurs, mais ce qui nous permet de travailler beaucoup plus et donc d'avoir un salaire plus élevé aussi et plus régulier. Mais donc ça colle en fait, le coût du... Mais même si c'est pas vraiment ça, mais ça colle le coût du « c'est mes jobs étudiants qui me payent ma maison ». Ça marche, ça? En gros, oui, c'est ça. Ça, plus le salaire de mon compagnon qui, lui, était à temps plein, effectivement. Vous êtes venu avec quel apport ? Et permettez-moi l'indiscrétion totale. Lui a amené quel apport et vous, vous avez amené quel apport ? Alors, pour les frais de notaire, ça, nous avons demandé un petit peu d'aide à notre famille. Et alors, sinon, le prêt, nous avons fait entièrement le prêt entier de la somme que nous demandions à la banque, hors frais de notaire. Et après, on s'est divisé moitié-moitié tous les deux pour le remboursement du prêt. Vous avez acheté quoi, combien, tous les deux ? Donc on a acheté un duplex d'un petit peu moins de 100 mètres carrés. Il était à 65 000 euros hors frais de notaire à l'époque. Attendez, 21 ans, duplex 100 mètres carrés. Le prix d'achat de ce duplex ? 105. 105. Et vous l'avez acheté au cœur de Verviers ? Oui, c'est juste à côté du centre. On parle deux secondes d'immobilier, puisqu'à 21 ans, vous manquiez peut-être de repères. Vous avez l'impression à ce moment-là de faire l'affaire du siècle ? Vous ne savez pas si c'est l'affaire du siècle, c'est juste ce qui vous plaît ? Non, en fait, ça faisait un petit moment qu'on était en couple tous les deux. Donc, lui, c'était partir de chez ses parents à l'époque. Et louer, en fait, revenait aussi cher qu'une mensualité, à la banque si on devenait propriétaire. Donc, réflexion faite, on préférait investir de manière réfléchie plutôt que de jeter ces 500-600 euros-là par mois dans une location plutôt que d'investir et déjà commencer après qui... Je veux dire qu'il pourrait être avantageux pour nous à l'avenir. Et dans votre entourage, je ne dis pas aujourd'hui à 27 ans, mais à l'époque, quand vous aviez 21, à l'époque, vous êtes la seule de votre cercle d'amis à acheter à cet âge-là, où tous vos copains, copines de 21 ans font des achats et des crédits hypothécaires ? Non, du tout, on était les seuls. Les seuls ? Les autres vous ont regardé comme étant une héroïne ? Ou comment ils vous ont regardé ? Non, plus comme un choix de vie, parce qu'après, eux sortaient, s'amusaient, nous, on travaillait énormément, donc... Voilà, c'est des choix de vie à ce niveau-là. C'est des sorties qu'on ne fait pas parce qu'on est en train de travailler. C'est des sorties qu'on ne fait pas parce que c'est de l'argent qui sera dépensé. Il y a toute une série de sacrifices qui ont été faits à côté, que d'autres n'auront pas fait à côté parce qu'eux auront plus profité peut-être et se seront amusés. L'horizon, après, en achetant à 21 ans, vous serez pleinement propriétaire. À quel âge, Élodie ? À 41 ans. À 41 ans. À 41 ans. Encore une fois, à 41 ans. Il est 10h32, c'est l'heure de la proportion maintenant. Zoé, dans les appelants de ce matin, combien estime que la seule façon d'économiser grâce au job étudiant, c'est, et les mots ont leur importance, d'être planqué chez papa-maman ? Et 75% pensent qu'il est impossible d'économiser avec des jobs étudiants. La seule façon d'y arriver, c'est d'être nourri, blanchi, logé, que vos parents vous payent tous vos frais universitaires. Pour résumer, il faut être planqué, il faut être un tanguy pour acheter aussi jeune. Le RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Et la circulation est plutôt fluide, Benjamin, actuellement. Sur le ring de la capitale, on perd à peine 5 minutes en circulation intérieure à hauteur de Jette jusqu'à Grimbergen en direction de Zaventem. Aux portes de Bruxelles, la circulation n'est que très légèrement ralentie sur le 40 qui vient de Gand entre Ternate et Grand Bigard. Aucune influence sur un temps de retard éventuel. Et puis des travaux qui vous ralentissent sur le 411 entre Namur et le Grand-Duché de Luxembourg. C'est précisément entre Spontin et Sauvé que le passage s'effectue via des voies de circulation rétrécies. 4 km de ralentissement. Mais c'est moins de 10 minutes supplémentaires à ajouter à votre temps de parcours en direction du Grand-Duché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant après la pause, j'attends un nom dans la question qui dérange. Ville 2, centre commercial à Charleroi. Celui qui arrête le voleur avec un étranglement et une balayette n'est pas un agent de sécurité agréé, n'est pas un vigile, n'est pas un policier. Non, c'est le vendeur. Est-ce qu'on peut légalement arrêter des voleurs à coup d'étranglement quand on est vendeur? J'attends un nom après la pause. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique, et elle a aussi l'air cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients, parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Vive les animaux! Le samedi 1er octobre chez Tom & Co, c'est la fête des animaux. Moins 15% sur tout le magasin. Le samedi 1er octobre, votre animal est roi chez Tom & Co. Plus d'infos sur tomenco.be. Envie de vous balader seul, en famille ou avec vos amis? Avec l'ADEPS, participez au Super Point Vert le samedi 1er octobre en marge de l'Etias Trophy à Mons. Des marches, des animations sportives et de l'amusement garanti. www.sport-adeps.be. Avec Vivacité et les éditions de l'avenir. Vivacité La Une présente André Rieu en concert. Le roi de la valse revient avec son orchestre et 300 danseurs pour un formidable concert de Nouvel An. André Rieu, le 8 janvier au Palais 12 à Bruxelles. Info et tickets, www.andrerieu.com. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Ah, c'est brûlant. Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Lundi, dans un commerce du centre commercial Ville 2 à Charleroi, celui qui a fait un étranglement et une balayette au voleur qui prenait de la marchandise n'était pas un agent de sécurité du centre commercial. Ce n'était pas un policier, non, c'était un vendeur. Est-ce qu'un vendeur a légalement le droit de stopper un voleur, légalement le droit de le stopper par étranglement? Les faits se sont donc déroulés lundi vers 17h. Le vendeur repère un étrange manège dans le magasin, voit qu'un des individus prend de la marchandise et on découvrira au final qu'il a volé pour plus de 400 euros de marchandises. Eh bien, juste avant qu'il ne disparaisse, le vendeur met sa main sur l'épaule du voleur, l'individu se retourne, donne un coup dans les côtes, mais le vendeur ne se démonte pas, non, il pratique un étranglement, puis une balayette immobilise le voleur jusqu'à l'arrivée d'un personnel agréé, les gardes et puis la police en l'occurrence. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, Mélanie Joris? Vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Avez-vous un nom à nous donner maintenant? Oui, un nom, c'est celui du commissaire Marc Garin, chef de corps de la zone de police Mons-Kévy. Alors déjà, une précision importante, hein, l'utilisation de la contrainte est uniquement réservée à la police. Les sociétés de gardiennage ne peuvent donc pas utiliser cette contrainte. La seule exception concerne les cas de légitime défense. C'est le seul moment où un vendeur ou un agent de gardiennage pourrait utiliser la contrainte. Dans la pratique, lorsqu'on est face à un cas de vol en flagrant délit, eh bien, généralement, on retient la personne auteur des faits en attendant que la police arrive. On ne peut évidemment imposer aucune séquelle physique, puisque dans ce cas, le voleur pourrait se retourner contre le vendeur et porter plainte. Le commissaire Garin estime qu'il existe une très bonne coopération et collaboration entre les services de gardiennage et la police. Et cette collaboration sera d'autant plus renforcée dans les semaines à venir, puisque le ministre de l'Intérieur est en train de mettre la touche finale à un texte sur les missions et les compétences des sociétés de gardiennage. Alors on essaiera de faire le tri tout à l'heure, puisqu'il y a eu légitime défense en ce moment, il reçoit un coup dans les côtes, mais au départ, il y avait intervention sans qu'il n'y ait besoin d'intervenir. Vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le à eux au standard. Et le problème pour Nicole Détain-Puis, c'est que c'est en incriminant ce jeune vendeur que l'on crée des sociétés individualistes. Quand les jeunes se mouillent, on les punit. Eh bien, ne vous étonnez pas si personne n'intervient la prochaine fois que vous serez en danger. Rendez-vous donc à 10h45. Vous avez choisi une conversation sur la surprise du jour. 45% des jeunes entre 25 et 30 ans, donc quasi la moitié, propriétaires. Comment on fait à cet âge-là pour acheter? Voilà ce que nous dit cette étude Etias. Les 25-30 ans, déjà propriétaires. Mais avec quel argent? S'il y a papa-maman, est-ce qu'il y a moyen? 070-233-466 et par SMS au 3063. Nous sommes à Villers-la-Ville. Joanie, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 29 ans aujourd'hui, ça fait 2 ans que vous êtes propriétaire ou que vous rêvez de l'être? Non, que je rêve de l'être. Donc, ça fait 2 ans que je suis célibataire et que je cherche à acheter toute seule. Avant même, j'étais en couple et on cherchait aussi pour acheter, on n'a jamais trouvé. Donc, dans la région, c'est assez compliqué parce que les prix sont exorbitants. Et donc, pour acheter toute seule, donc ça fait 2 ans que je cherche et je n'ai encore rien trouvé. Vous avez entendu que jusqu'ici, tous les 25-30 ans sont dans l'objectif. Ils sont propriétaires. Vous attendiez à ce qu'autant de gens de votre âge aient déjà franchi, eux, le pas? Oui et non. Donc, moi, je suis un peu étonnée parce que moi, j'ai beaucoup de mal à trouver. Mais après, je me dis que la région fait aussi beaucoup. Mais après, j'ai des amis qui habitent du côté de Charleroi et qui sont propriétaires depuis quelques années. Donc, voilà. Vous cherchez dans quel budget? Donc moi, le budget pour lequel je peux emprunter, ce serait 175 000 euros. Et, ça, c'est fonction de votre rapport personnel? Vous en avez un d'apport personnel? Oui, moi, j'ai 30 000 euros. Qui viennent d'où? Personnel. Que j'ai mis de côté quand j'étais encore chez maman, mais ça date d'il y a 5 ans. Ou aussi un apport que j'ai reçu de mon père quand il a vendu sa maison. Que j'ai gardé. Est-ce qu'il y a un petit moment de découragement? Parce qu'avec 30 000 euros, on a déjà un petit capital. On entend ce matin que certains ont pu acheter avec moins d'apport et même beaucoup plus jeunes. Est-ce qu'il y a parfois ce petit moment de découragement? Oui, moi je suis découragée. J'en ai encore parlé il y a 2 jours avec une copine. Et en fait, je pense vraiment regarder pour louer ailleurs parce que c'est plus simple de louer. Et je pourrais louer pour le même prix que je loue maintenant un très bel appartement du côté d'Oivre. Mais vous allez renoncer à votre rêve de propriété? Je pense que j'ai pas beaucoup le choix. Ou alors je dois acheter un truc beaucoup plus petit qui sera beaucoup moins sympa que de pouvoir louer pour le même prix un truc beaucoup plus grand et où je me sentirais bien. Donc j'ai pas envie d'acheter quelque chose où je me sentirais pas bien. Mais c'est quoi la formule? C'est de changer, de quitter Villers-la-Ville? C'est ça le seul salut? Ou il y a un autre salut? Pour moi, ce serait de retourner du côté de Charleroi, mais c'est trop loin de mon boulot. Moi, je travaille à Wavre et pour moi, c'est pas possible de penser de faire 1 heure de route tous les jours pour aller travailler. Votre épargne, pour constituer ces 30 000 euros, même s'il y a eu des apports de l'un de l'autre, cette épargne, elle a démarré à quel moment, à quel âge? Cette épargne, je l'ai depuis 5 ans, donc ça n'a pas bougé. Maintenant, je loue et donc c'est impossible pour moi d'épargner en plus de mon loyer. Donc on peut se dire que dans 5 ans, vous aurez 60 000 depuis 5 ans. On peut se dire que dans 5 ans, vous aurez 60 000 euros d'apport personnel ou ça c'est trop ambitieux? Non, ça j'aurais pas parce que donc comme je loue ici, je sais plus mettre d'argent de côté. C'est impossible, donc les 30 000 euros, ils sont bloqués, mais ça bougera pas, je pense. Vous voilà figé alors avec ce rêve. 30 000 euros pour un bien à 175 000 dans une région où ça colle pas et le rêve auquel vous renoncez. Joanie, rappelons-nous dans quelques mois pour voir si ça a évolué. Vous êtes à Villers-la-Ville. 10h42, on appelle les experts. Parlons d'immobilier et des frais de notaire, notamment en appelant le notaire et porte-parole de la Fédération des notaires de Belgique, Gaëtan Bleix, en ligne. Bonjour. Bonjour Monsieur Maréchal. On verra s'il faut à chaque fois distinguer Bruxelles et la Wallonie. Est-ce que les jeunes ont droit à des tarifs réduits en matière de frais de notaire quand ils achètent? Dans certains cas, oui. Lorsque vous achetez notamment en Wallonie une maison dont le revenu cadastral est inférieur à 745 euros. Mais ce n'est pas lié alors au statut et à l'âge du jeune, c'est lié au type de bien qu'on achète? Au type de bien et au revenu cadastral, oui. Vous avez, sur base de l'expérience personnelle, un regard sur ce que font les jeunes? Est-ce qu'ils visent ces maisons à revenu cadastral faible ou ce n'est pas un critère d'achat majeur? Je ne pense pas que ce soit un critère d'achat majeur, mais les notaires, de manière générale, sont là pour conseiller les clients, les jeunes, en priorité pour leur premier achat. Ils doivent absolument pas hésiter à consulter un notaire avant de faire une offre ou avant de faire un achat. Je constate dans la pratique que de plus en plus de jeunes, en couple ou seuls, viennent consulter le notaire, en tout cas viennent me consulter, dans une perspective d'une recherche immobilière pour un achat. Et ça, c'est très positif, parce que les notaires sont là pour expliquer comment ça fonctionne, expliquer les écueils qu'il faut éviter. Oui, mais vous êtes devenu un obstacle. Par la force des choses, vous êtes devenu un obstacle, puisque les banques demandent d'avoir l'argent qui corresponde aux frais de notaire, si pas déjà une partie de la maison. Vous êtes financièrement devenu un obstacle. N'oubliez pas que les notaires sont principalement, au niveau financier, des percepteurs d'impôts. Quand vous payez ce qu'on appelle les frais de notaire, vous devez distinguer les frais que vous payez au notaire et les honoraires que vous payez. Retenez que les droits d'enregistrement en Belgique sont de 12,5% sur votre achat. Sur un achat de 100 000 euros, vous payez 12 500 euros de taxes. C'est ça qui est un frein. Ce n'est pas les honoraires de notaire qui, en Belgique, n'ont jamais été indexés ni augmentés depuis 1972. Donc ce n'est certainement pas ça le frein. Le frein, ce sont les taxes. Le frein, il est là. Ce n'est pas le marché immobilier qui augmenterait et la valeur des biens qui augmenterait. Le frein, c'est cette perception par l'État de frais. C'est ça le frein à l'achat des jeunes. Non, ce sont deux choses. C'est le fait que les prix augmentent, ça c'est inéluctable, mais ça augmente depuis toujours. Demandez aux générations précédentes, et je dis ça souvent à mes clients qui parfois, bon, je dirais des clients entre 25 et 30 ans, qui ont la réflexion de dire « je ne saurais jamais acheter, c'est trop cher », eh bien qu'ils interrogent leurs parents, leurs oncles et tantes, leurs grands-parents, bref, les générations précédentes, ils s'apercevront qu'à tout moment, à quelques moments qu'on se situe, le premier achat pour toutes les générations a toujours été trop cher. Qu'ils retiennent qu'il y a 25 ans, les prix étaient plus faibles, mais les taux d'intérêt étaient à 12%. Aujourd'hui, les prix ont diminué, mais les intérêts hypothécaires sont aux alentours de 2%. Et ça, c'est une chance qu'il faut saisir. Ah ben vous entendez que certains rêvent de la saisir, mais se heurtent, c'était le cas de Joanie il y a quelques instants, à la réalité du marché immobilier. Mais il y a la note d'espoir que vous lancez, Gaëtan Blex, porte-parole de la Fédération des notaires de Belgique. On va au 070-233-466, où malgré la note d'espoir, Zoé, acheter serait vu comme une opération suicide. Oui, cette idée, c'est Yves qui l'a eue, Yves de Toin, il a 55 ans, son fils en a 20, et il ne pense qu'à une chose, acheter. Eh bien Yves, en tant que bon papa, lui a déconseillé d'investir. C'est la crise économique qui le refroidit dans le contexte actuel. C'est impossible, on demande trop de garanties et il n'y a pas de sûreté de l'emploi et les salaires sont précaires, sans compter la TVA. Pour Yves, c'est clair, les banques essaient de nous faire signer des prêts et bientôt la Belgique va se retrouver dans la même situation, dans une situation similaire à celle des États-Unis. Des propriétaires qui ont pris des prêts trop facilement, trop vite, trop élevés et qui prennent la fuite parce qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs biens. Yves déconseille donc à tous les jeunes d'acheter, c'est une erreur. Attendons un peu que la crise économique parte et qu'il y ait davantage de sûreté dans l'emploi. Dans un instant, question qui dérange. Est-ce qu'un vendeur de magasin peut légalement stopper un voleur à coup d'étranglement et de balayette? On appelle la police dans une seconde. Ceci est un message pour les professionnels du secteur Horeca. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management? Visitez les 2, 3 et 4 octobre à I Love Horeca, le salon professionnel Horeca à Tours et Taxi. I Love Horeca, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love Horeca, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tours et Taxi. Plus d'infos à iloveoreca.be. Moi j'aime quand il n'y a pas trop de préparation parce que je rentre tard. Oh bah alors, notre pain de viande est parfait quand on a un rythme de vie très soutenu. Un petit. Ouh, oui, monsieur Marc. Car. C'est tout prêt. C'est vite fait. C'est tout frais. C'est bien vrai. Et voilà. Voilà, voilà. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, le pain de viande de 1 kg est à seulement 5,79€. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment, on part 3 semaines, 3000 euros. Mais qu'est-ce que tu attends, mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, yes, yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi profitez plus et payez moins à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. Vivacité présente la semaine numérique. Hashtag cool, apprenez à décoder les hashtag nouvelles technologies et bien plus lors de hashtag la semaine numérique du 10 au 21 octobre. Hashtag c'est bientôt, youpi! Participez à des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Hashtag c'est pour tout le monde, hashtag pas que pour les geeks. Hashtag lol, plus d'infos, la semaine numérique.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Lundi, dans un magasin du centre commercial Ville 2 à Charleroi, celui qui fait un étranglement et une balayette, un tacle en quelque sorte au voleur qui volait la marchandise, n'était pas agent de sécurité, n'était pas policier. On appelle la police dans un instant. Dernier éclairage au standard, Zoé. Et le problème pour Julien de Wavre, c'est qu'on ne peut pas reprocher au vendeur de jouer les héros alors qu'il a cru bien faire. Après tout, s'il est intervenu seul, c'est peut-être parce que les agents de sécurité et la police n'ont pas fait leur boulot. Il nous faut un éclairage légal, puisque c'est un vendeur qui est intervenu. Appelons le chef de corps de la zone de police Mons Kévi. Le commissaire Marc Garin est en ligne. Bonjour. Bonjour. Je vous livre chaque étape et vous me dites si c'est légal. Le vendeur se dirige vers le voleur qui est à la sortie du magasin et met une main sur l'épaule pour lui dire stop. Est-ce que là, il outrepasse un droit ou ça, il peut faire ? La main sur l'épaule, il peut. Il n'y a pas d'utilisation de contrainte. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il le fasse. Mais l'individu se retourne et lui donne un coup dans les côtes. C'est là que le vendeur va pratiquer l'étranglement et la balayette. Est-ce qu'on pourrait, même si vous n'êtes pas juge, là évoquer la légitime défense ? La légitime défense, c'est une réaction par rapport à une attaque, donc violence contre sa personne, et c'est une riposte proportionnée à cette attaque. Donc on vous donne un coup de poing, vous réagissez avec, je veux dire, à main nue par rapport à ce coup de poing, on est dans des conditions de légitime défense. Mais là, le vendeur a maintenu le voleur jusqu'à l'arrivée d'autres autorités. Est-ce que le vendeur avait le droit d'immobiliser le voleur ? Non. Non. Non, parce que c'est une utilisation de la contrainte et seule l'autorité publique peut utiliser la contrainte. Donc la seule façon de réagir par rapport à un vol dans un magasin, ce serait d'empêcher la personne de sortir de ce magasin, par exemple en fermant la porte, mais certainement pas en utilisant la contrainte. Maintenant, ça c'est une analyse juridique. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qu'on constate lors de nos interventions, c'est que régulièrement, quand un voleur est intercepté dans un magasin en flagrant délit, il est bien souvent retenu par l'exploitant du commerce ou par le gardiennage privé, donc chargé de la surveillance de ce magasin. Alors c'est là qu'il y a astuce. C'est une réalité. Donc retenu par l'exploitant du magasin, ça vous m'avez dit, pas trop légal, mais retenu par un vigile, un garde, ça c'est légal ? Ils peuvent faire ça, les agents de sécurité ? Non. Non. Non. Non plus. Ils ne peuvent pas non plus, mais comme je viens de vous l'expliquer, la réalité est telle que ça se passe. Le tout, c'est que finalement, quand nous constatons ça, quand nous arrivons, le tout, c'est de ne pas constater qu'il y ait eu des coups, qu'il y ait eu, qu'il y ait des séquelles physiques, qu'il y ait eu violence vis-à-vis de la personne interpellée. Mais la réalité, celle-là, c'est qu'on constate bien souvent que ces personnes sont retenues par le gardiennage en attendant l'arrivée des services de police. Ah bah alors je vous soumets le paradoxe que vous venez de me soumettre. Quand on appelle la police face aux voleurs, il faut le temps qu'elle vienne. Quand on appelle les vigiles, y compris dans un centre commercial, il faut le temps qu'ils viennent. Donc dans le fond, la seule légalité, c'est de laisser filer le gars. Oui, bien malheureusement, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que dans ce cas-ci, quelle est la pratique ? Qu'il y a un vide. Quelle est la pratique dans votre zone de police ? Ici, on est à Charleroi, c'est un vendeur qui a retenu le voleur et qui a sauvé 400 euros de marchandises. Est-ce que la pratique des policiers, c'est plutôt de féliciter ce genre de comportement présenté comme héroïque dans la Nouvelle Gazette, ou c'est pas le genre de comportement que vous encouragez et que vous louez ? Écoutez, moi je suis pragmatique, nous essayons de l'être. je ne vais pas encourager, je ne peux tout de même pas encourager à pratiquer quelque chose qui n'est pas juridiquement fondé, mais la réalité, elle est celle-là, et finalement, je vis avec, et je ne dissuaderai pas non plus les commerçants d'utiliser ce genre de pratique lors d'un flagrant délit, bien entendu. Et donc, pour que les choses soient bien claires dans l'esprit des uns et des autres, le seul agent susceptible de pratiquer un étranglement si nécessaire, c'est le policier. Ça, dans l'intervention, oui. Vous êtes autorisé à le faire. Oui. Tout à fait. Puisque dans ce type de cas, il y a une privation de liberté, la privation de liberté, qu'elle soit judiciaire ou administrative. Donc administrative, c'est-à-dire par exemple en cas de d'ivresse, de danger au niveau de la personne ou pour autrui, à ce moment-là, le policier est autorisé, dans le cas de la privation de liberté, d'utiliser la contrainte selon certaines techniques qui lui sont apprises, hein, de façon justement à maîtriser l'individu. Eh bien voilà la réponse à la question qui dérange, que vous nous apporté ce matin. Merci commissaire, vous êtes le chef de la zone de police Mons-Kévy. Margarin, merci de nous avoir rejoint. Le vendeur de Charleroi ne pouvait donc pas pratiquer l'étranglement, ni même la balayette, ni même retenir ce voleur. On va dans un instant vers les enseignements de C'est vous qui le dites de ce mercredi. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Citroën Dragon Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. Un budget. Un projet. Visitez notre showroom. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort. Ma solution. Info verandaconfort.be. Électro, dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Électro, dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils ? C'est simple, tous nos produits sont stockés en magasin, donc moins de frais et une disponibilité immédiate. Découvrez comment vous profitez des économies que nous faisons sur electrodepot.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, Métro et Dimerx. Électro, dépôt. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Arken, portes ouvertes ces samedis et dimanches, de 14 à 17h, dans notre bureau d'info, chaussée de Nivelles, près du 119, à Arken. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Samedi 8 octobre, Abraham de Bettencourt, conférencier présente « Vivez vos rêves ». Comment intégrer les principes de réussite? Quels sont les outils pour atteindre vos objectifs? Comment vivre vos rêves et libérer votre potentiel pour enfin oser? Rendez-vous ce samedi 8 octobre à 20h au Centre culturel Ducle. Info sur ccu.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements avec le débrief question qui dérange. Ce vendeur qui a immobilisé le voleur à Charleroi, mais qui donc ne pouvait pas. Sur la page Facebook, Marion Jomotte. Vous êtes 41 730 à nous suivre sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Rudy écrit que le vendeur a eu entièrement raison. S'il ne l'avait pas fait, on lui aurait peut-être reproché et il aurait pu perdre son emploi pour non-réactivité. L'épouse de Rudy travaille à Ville 2 et malgré les militaires, les gardes et la police, il y a fréquemment des vols. Les gens n'ont plus peur de rien ni de personne. C'est effrayant, commente Rudy sur notre page Facebook. Oui, mais légalement, il ne pouvait pas. C'est ce qu'on a appris dans la question qui dérange. Vous avez choisi une conversation sur la surprise du jour. 45% des jeunes entre 25 et 30 ans, donc la moitié, déjà propriétaires. Eh bien, dans les enseignements, on retiendra le record de ce matin, détenu par Arnaud. À l'âge de 32 ans, il est déjà 3 fois propriétaire. Premier achat à 19 ans, une maison avec 2 appartements. Ensuite, le coup de blues de Joanie, 29 ans, elle renonce. Elle n'arrivera pas, malgré malgré son économie et ses économies, à acheter contrairement à tous les autres. Et puis les histoires de futurs jeunes cadras qui font rêver. Mélanie sera pleinement propriétaire de son bien à l'âge de 43 ans. Mieux encore, Élodie, pleinement propriétaire à l'âge de 41 ans. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Zoé. C'était Louise de Berkem-Sainte-Agathe. Elle a acheté son premier appartement à 22 ans en 2002, son premier immeuble avec 4 unités à 27 ans en 2007 et sa maison familiale achetée avec son mari à 35 ans et ça, sans l'aide de ses parents. Pour les frais de notaire du premier appartement, elle a pris un crédit. Aujourd'hui, son premier appartement acheté 50 000 euros à Bruxelles a triplé. Il en vaut 150 000. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur ces genoux, non pas qui louent, mais qui achète, monsieur, parmi les moments de ce matin. Il y a eu Mélanie de Perruet à 10h15. À 23 ans, Mélanie est propriétaire et c'est une fierté. Oh, on a une maison petite fermette avec 28 heures de terrain, plus 2 prairies de 6 heures. Propriétaire à 23, est-ce que vous avez eu des petits commentaires? Oui, ils nous ont dit que c'était rare. Vous avez pris ça comme une fierté? Bah quand même, en travaillant tous les deux, c'est rare d'avoir deux jeunes devant soi avec un CDI, tous les deux en poche, et de pouvoir acheter... Bon, vous l'aurez compris par vous-même, visiblement, on a un léger souci qui nous empêche de profiter pleinement de ce replay de la conversation de ce matin. Bon, la conversation continue, si vous le souhaitez, sur la page Facebook de C'est vous qui le dites, c'est une certitude. Chacun avec son âge et chacun avec le petit matelas financier qu'il est parvenu à constituer, puisque non seulement la statistique qui a fondé la conversation de ce matin était une vraie surprise, la moitié des 25-30 ans, mais dans les appels de ce matin, surprise là aussi, car vous étiez très nombreux, non pas sur le point d'acheter, mais bien à avoir acheté et concrétisé l'achat. Je vous rappelle, si vous êtes concerné par, et peut-être même un peu envieux, qu'il faut aller lire cette étude réalisée par Etias sur le logement, dans laquelle on apprend sans surprise que les trois quarts des 18-24 ans sont locataires, mais le vrai rêve des jeunes, ce n'est pas la location, non, c'est l'achat, puisque la plupart des jeunes rêvent même d'aller s'installer directement dans un bien acheté, sans passer par l'étape location. Voilà le rêve de cette génération qui économiserait donc 609 euros par mois. C'est ça le prix moyen d'une location, c'est encore plus cher à Bruxelles. Voilà pourquoi l'achat a à ce point la cote. Bref, page Facebook, c'est vous qui le dites, et le replay disponible en entier cette fois sur www.laune.be. Vous pouvez revoir l'ensemble de l'émission et peut-être vous réécouter si vous êtes venu nous parler ce matin. À demain pour 2 heures de dialogue.